أنفسهم سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، هل فيه صوت أبو طالب؟ فيه صوت. أما بعد، فيه صوت أبو طالب. في المرة الماضية كنا قد انتهينا، تكلمنا عن الإيمان بالرسول وانتهينا منه، واليوم إن شاء الله تعالى ندخل في الإيمان بالقضاء والقدر، ونسأل الله عز وجل أن يعيننا، وأن يعني يوفقنا، وأن يشرح لنا صدورنا، وأن يعيننا، لأن الدرس هذا يعني نوعا ما صعب. نسأل الله عز وجل أيضا أن يفتح عليكم فيه فتوحات، وأن يوفقكم إلى فهمه، لأن فيه كما لا يخفى عليكم زلت أقدام كثيرة، زلت أقدام كثيرة وضلوا ولم يهتدوا إلى معرفة ما أراد الله عز وجل وما أراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. دونك nous commençons إن شاء الله تعالى ce درس avec quelque chose de nouveau, c'est la foi. Et c'est un درس يعني un peu difficile parce que il est un peu complexe. Mais Allah Azza wa Jal facilite à celui qui est yani sincère et qui veut apprendre la religion de Allah subhanahu wa ta'ala. Le mawdou' hada, une seconde, barakallahu fikoum, une seconde. Naam. Naam, inshallah ta'ala. Aqul, qala al-mu'allif, wa nu'minu bil qadari khayrihi wa sharrihi, wa huwa taqdiru Allah ta'ala lil ka'inat hasba ma sabaqa bihi 'ilmuh wa iqtadathu hikmatuh. Wal qada wal qadar, hada al qada wal qadar. أولا يعني اختلف العلماء فيما معنى القضاء والقدر، يعني لماذا تارة القضاء وتارة القدر، وهل هما بمعنى واحد؟ وللعلماء كلام طويل في هذا، لكن الذي رجحه الشيخ بن عثيمين عليه رحمة الله أن القضاء، أو نبدأ بالقدر، أن القدر هو ما هو مكتوب في اللوح المحفوظ، كل ما قدر الله عز وجل بأن يكون وهو مكتوب في اللوح المحفوظ فيسمى بالقدر. فإذا حدث ذلك الشيء الموجود في اللوح المحفوظ، فإذا حدث هنا في الأرض يسمى قضاء. فإذا حدث يسمى قضاء، أي القدر هو كل ما هو مقدر في اللوح المحفوظ، والقضاء هو ذلك القدر لما يعني يحدث، إذا حدث يسمى بعد حدوثه قضاء. هذا الفرق الذي ذكره الشيخ بن عثيمين على رحمة الله. donc les ulama ont divergé sur يعني القضاء والقدر، يعني كيف سبدي غير القضاء والقدر واسك سي لا ميم شوز. الشيخ بن عثيمين عليه رحمة الله ادي جو بي ا بو بري اكسبليكي، يقول القدر سي سكو الله عز وجل لا يكري avant de nous créer tous. Avant de nous créer 50 000 années, il a écrit sur le tableau préservé, l'ouh al-mahfouz. Il a écrit tout ce qui va se passer, bien sûr. Donc tout ce qu'il a écrit, ça s'appelle al-qadr. Maintenant, il a écrit par exemple, il a écrit que tel jour, par exemple, X des gens, par exemple, fera un accident de voiture. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc, lorsque ce jour-là arrivera et que X des gens fera un accident de voiture, ça s'appelle Qada. Ça s'appelle plus Qadr. Ça s'appelle Qada. Pourquoi ? Parce que Allah Azza wa Jal, Qada, wa asbaha al-amru amran maqdiyan. Idan, d'après Cheikh Ibn Uthaymeen rahmatullah, Al-Qadr, c'est ce qui est dans le tableau préservé, tout ce que Allah Azza wa Jal a écrit avant que ces choses ne se passent. Elles sont seulement écrites sur le tableau préservé. Ensuite, quand yani elles se passent, quand elles se font sur terre, quand elles se font, elles s'exaucent, on l'appelle Qada. On l'appelle plus Qadr, mais on l'appelle Qada. Voilà la différence que Cheikh Ibn Uthaymeen rahmatullah a noté. Maintenant, en ce qui concerne ce qu'a dit le mu'allif alayhi rahmatullah, il a dit wa nu'minu bil qadr khayrihi wa sharrihi wa huwa taqdiru Allah ta'ala lil kainat hasba ma sabaqa bihi 'ilmuhu wa iqtadathu hikmatuhu wa nu'min bil qadr li'annahu rukn min al arkan rukn min arkan al iman fa inna ay ahad yaqul la u'minu bil qadr fa huwa kafir billah 'azza wa jalla. Donc nous on croit, on a la foi au destin, parce que c'est un pilier, l'un des piliers de la foi, l'un des piliers de la aqida, l'un des piliers de la croyance. Quiconque croit en tout sauf au qadr hada, il ne croit pas au destin, il dit non, les choses arrivent comme ça, ce n'était pas destiné, celui-là c'est un kafir bien sûr, il sort de l'islam. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas cru en un pilier, un des six grands piliers de iman billah wa malaikati wa rusuli wa kutubihi wal yawm al akhir wal qadar wal qada wal qadar. قال وهو تقدير الله تعالى تقدير الله تعالى للكائنات حسب ما سبق به علمه واقتضته حكمته. Donc nous on croit au destin, al qadar, et c'est quoi? C'est la prédestination d'Allah envers ses créatures. La prédestination, ce que Allah Azza wa Jalla a prédestiné bien sûr dans le tableau préservé de l'Ouh al-Mahfouz envers ses créatures selon son savoir antécédent, yani selon son savoir azali, yani son savoir le yani quand on revient marche arrière marche on revient en antécédent, ce qui et ce cas impliqué sa sagesse, tout ce qui a été prédestiné c'est d'après la sagesse d'Allah Azza wa Jalla, c'est pas d'après le fawda, mais tout est d'après la hikma et la sagesse d'Allah Azza wa Jal. ثم قال وللقدر اربع مراتب المرتبة الاولى العلم يعني حتى تؤمن بالقضاء والقدر يعني على أكمل وجه دم كان donc en ce qui concerne le destin il faut savoir qu'il y a quatre points. Le premier point, d'ailleurs sans ces quatre points on ne croit pas en destin. Si on vraiment on a la foi au destin, on doit avoir la foi en quatre choses. Le premier point, croire qu'Allah Azza wa Jal a connu toutes choses de façon et future. soit en relation avec ses ce qui a rapport avec les actes de Allah هنا ما في في صوت أبو طالب في صوت مشكلة aujourd'hui ça se coupe je sais que ça se coupe parce que يعني je suis rentré avec 40 seulement 40 quand c'est 40 ça donne pas يعني quelque chose de sûr قلت nous on sait on doit croire que Allah Azza wa Jalla sait tout avant de créer pas comme Allah Azza wa Jalla ya la mouche Abu Talib est-ce qu'il y a du son maintenant ou il n'y a pas est-ce qu'il y a maintenant le son ou il n'y a pas Abu Talib parce que ça se coupe beaucoup طيب ثم قال المؤلف عليه رحمة الله ثم قال المؤلف عليه رحمة الله قلنا المرتبة الأولى العلم نؤمن بأن الله عز وجل بكل شيء العليم علم ما كان وما يكون وكيف يكون فلا يتجدد له علم بعد جهل ولا يلحقه نسيان ولا يلحقه نسيان بعد ماذا بعد علم وهذا يعني يكون تقريبا بالفرنسية croire que الله connu toute chose كل شيء وما هو موجود في ماذا محفوظ نعم انا اعلم انه يترقى لكن ما عندي الا هذا الله غالب ما عندي الا هذا Le deuxième point, on avait dit qu'il y avait quatre points. Le deuxième point, croire qu'Allah a écrit tout cela sur le tableau préservé auprès de lui, subhanahu wa ta'ala. Et au sujet de ces deux points, Allah a dit, il a dit dans le Coran, ne sais-tu pas qu'Allah sait ce qu'il y a dans le ciel et sur la terre? Tout cela est dans un livre. Et cela est pour Allah bien facile. Et c'est facile qu'il sache cela. Ce n'est pas difficile pour Allah Azza wa Jalla. Et dans le Sahih Muslim, le prophète alayhi salam a écrit la prédestination de toutes les choses 50 000 ans. Allah Azza wa Jalla a écrit dans le tableau de Lawh al-Mahfouz toutes les choses 50 000 ans avant de créer les cieux et la terre. Ça, c'est le deuxième point qu'on doit tous croire. Donc le premier point, c'est que Allah Azza wa Jalla sait, et le deuxième point, c'est qu'il a écrit toutes les choses. إذن في أربع نقاط النقطة الأولى في القضاء والقدر أن تؤمن أن الله عز وجل عالم ويعلم كل شيء ولا نقول مثل الضالين أنه هو كائن كتبه كتب الله عز كائن إلى يوم القيامة إذن النقطة الأولى العلم والنقطة الثانية الكتابة والنقطة الثالثة المشيئة نؤمن بأن الله عز وجل قد شاء كل ما في السماوات والأرض ولا يكون شيء إلا بمشيئته ما شاء الله كان ولم يشاء لم يكن هذا لابد أن يتأصل في قلوبنا أن الله عز وجل شاء كل ما في السماوات والأرض لماذا؟ لأنه لا يكون شيء إلا بمشيئته لا يكون شيء إلا بمشيئته والقاعدة ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن le troisième point le premier point c'est que Allah Azza wa Jalla sait tout le deuxième c'est qu'il a tout écrit le troisième point c'est la volonté croire que toutes les choses créées n'existent que par la volonté d'Allah et que ces choses soit relié aux œuvres d'Allah ou bien à celles de ses créatures. Allah a dit en ce qui concerne ses œuvres, ton Seigneur crée ce qu'il veut et il choisit. Ton Seigneur crée ce qu'il veut et il choisit. C'est pour ça que j'ai dit que le dars d'aujourd'hui est un peu compliqué, mais Allah Azza wa Jal facilite à celui qui veut apprendre. Et Allah Azza wa Jal a dit, et Allah fait ce qu'il veut. Et il a dit, c'est lui qui vous donne forme dans les matrices comme il veut. Donc, nous, qu'est-ce qu'on doit croire? Que aucune chose au monde ne peut exister si Allah Azza wa Jal ne la veut pas. Aucune chose au monde ne peut exister si Allah Azza wa Jal ne la veut pas. Soit en ce qui concerne c'est ce qu'il fait Allah Azza wa Jal lui, ou bien en ce qui concerne ce qu'on fait nous. En ce qui concerne nous, Allah a dit aussi que ce qu'ils inventent. Or, si Allah voulait, il ne le ferait pas. Donc, tout ce qu'on fait nous, c'est parce que Allah Azza wa Jalla l'a voulu. Il n'y a pas une chose qui puisse exister sans que Allah Azza wa Jalla la veuille. Mais il faut bien comprendre ici une chose très importante. Quand on dit que Allah Azza wa Jalla veut une chose, ça ne veut pas dire qu'il l'aime. Tout ce que vous voyez comme péché sur cette vie, Allah Azza wa Jalla l'a voulu. Parce que tu ne peux pas faire toi un péché si Allah Azza wa Jalla ne le veut pas. Mais le vouloir, ça ne veut pas dire l'aimer. Allah Azza wa Jal, quand il a voulu le péché, ça ne veut pas dire qu'il l'a aimé. Non, Allah Azza wa Jal t'a dit, ne fais pas le péché. Dans le Coran, c'est plein le Coran des versets qui disent, ne faites pas ceci, ne tuez pas, ne faites pas ce qui est haram, ne volez pas, etc. Le voleur, coupez-lui la main. Donc Allah Azza wa Jal n'aime pas ces choses, mais il les veut, il les crée. Pourquoi? Parce que Allah Azza wa Jal, des fois il montre pourquoi, la hikma ça s'appelle, et des fois il ne dit pas pourquoi. Mais comme il a dit dans le Coran, la yus'al amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah Azza wa Jal, on ne lui demande pas pourquoi tu fais ou tu ne fais pas. Mais c'est nous, lui nous demande à nous pourquoi vous avez fait. Mais nous, on n'a pas le droit de lui demander parce que lui il sait et nous ne savons pas. Allah Azza wa Jal, innahu khaliqu kulli shay'in wa huwa ala kulli shay'in wakil. له مقاليد السماوات والأرض الله تعالى خالق كل شيء خالق كل شيء donc la quatrième le quatrième point al-khalq, croire que toutes les choses existantes, concrètes ou abstraites, sont des créatures d'Allah, dans leurs essences, dans leur caractère, dans leur mouvement. Comme il a dit dans le Coran, Allah est le créateur de toutes choses, et de toutes choses, il est garant. Et il a dit, et il a créé toutes choses en lui donnant ses justes proportions. Donc Allah Azza wa Jalla, c'est lui qui a tout créé. وهنا تأتي نقطة هامة لما تكلمنا مثلا عن القضاء والقدر قلنا نؤمن بخيره وشره الله عز وجل هو الذي خلق من غير شك خلق ماذا خلق الخير لكن الشر من الذي خلق يعني في شيء في هذا لكن بعضهم يظن فيما يخص الشر أن الشيطان هو الذي خلق الشر ونحن نقول لا الله عز وجل خير وهو الذي خلق الشر خالق كل شيء في صوت أبو طالب في صوت لأنه يعني اليوم الحالة ما هي كويسة الحق في صوت donc Allah Azza wa Jal a tout créé en ce qui concerne le bien il n'y a pas de problème tout le monde sait que Allah Azza wa Jal a créé le bien mais certains qui يعني, ne connaissent pas bien la aqida croient que le mal c'est le diable qui l'a créé certains te disent c'est vrai Allah Azza wa Jal a créé le bien mais le mal a été créé par le diable et ça attention pourquoi parce que ça c'est du kufr ça c'est quoi c'est du kufr pourquoi car si on dit ceci on dit Allah Azza wa Jalla a créé le bien et le diable a créé et le mal ça veut dire qu'il y a le bien et le diable c'est aussi un créateur la preuve il a créé mal nous on dit attention ça c'est grave il n'y a qu'un seul créateur c'est Allah Azza wa Jalla qui a tout créé c'est lui qui a créé le bien c'est lui qui a créé le mal mais Allah Azza wa Jalla a créé le mal et bien sûr on va montrer que quand il a créé le mal ça ne veut pas dire que c'est lui qui fait le mal et ça ne veut pas dire que c'est un mal à 100% mais le mal de bien comme on va le voir Inch'Allah Ta'ala ثم يقول قال المؤلف هنا طيب ولكننا مع ذلك نؤمن بأن الله تعالى جعل للعبد اختيارا وقدرة به ما يكون الفعل ولكن مع ذلك نؤمن بأن الله تعالى جعل للعبد اختيارا وقدرة به ما يكون الفعل donc malgré cela nous on croit que Allah عز وجل il a donné à quoi il a donné à tout un individu Il lui a donné une volonté avec laquelle il peut faire ou il peut ne pas faire. Il peut faire et il peut ne pas faire. Pourquoi ? Parce que là, bien sûr, beaucoup de gens sont trompés. Certains ont dit que tout ce qu'on fait, c'est nous qui le faisons. C'est pas Allah Azza wa Jal. Tout ce qu'on fait, c'est nous qui le faisons. C'est pas Allah Azza wa Jal. Et ça, c'est une secte qui s'appelle Qadariya. Qadariya. Qui dit que c'est pas Allah Azza wa Jalla qui a créé ce qu'on fait, mais c'est nous qui faisons ce que on veut. Et les autres, le contraire de cette secte qui s'appelle Jabriya, ils ont dit non, ils ont dit tout ce qu'on fait, c'est Allah Azza wa Jalla qui nous a obligés de le faire. Ils ont dit si par exemple, si on vole, c'est pas moi qui ai volé, c'est Allah Azza wa Jalla, il a écrit. Que je vole et il faut que je vole et voler. Donc, tout ce qu'ils font comme péché, ils disent c'est Allah Azza wa Jal, c'est pas nous, c'est Allah Azza wa Jal qui nous a écrit de faire ça. Et c'était écrit. Par exemple, tu vois quelqu'un qui lui dit par exemple pourquoi tu bois l'alcool, c'est un péché l'alcool, il va te dire qu'est-ce que je fais. C'est Allah Azza wa Jal qui a écrit cela. C'est Allah Azza wa Jal, Allah Ghalib, je peux pas faire rien autrement. Pourquoi tu fais pas la prière? Allah Ghalib, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a écrit ça. Qui a écrit, je ne peux pas faire la prière. Il m'a contraint à ne pas faire la prière. et ceux-là ça s'appelle Jabriya, et les premiers s'appellent Qadariya. Ceux qui disent le contraire, ils disent que tout ce qu'on fait c'est nous et Allah Azza wa Jal n'a rien à voir avec ce qu'on fait. وَهَذَا كُلُّ خَطَأٍ. إِذَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَعْطَى لِلْإِنْسَانِ الْقُدْرَةَ أَعْطَاهُ الْقُدْرَةَ لِيَخْتَارَ مَا يَفْعَلُ. فخلافاً للقدرية الذين ينفون القدر ويقولون إن العبد هو الذي يعني يخلق أفعاله ويفعلها، فتوجد طائفة ثانية مع الأسف تسمى الجبرية وتقول إن كل شيء هو من عند الله مكتوب ونحن مجبورون على الفعل، نحن مجبورون يعني ليس لنا حرية. ونحن نقول إلا إن هذا كذب، إن هذا كذب، إن الله عز وجل دليل على أنك مختار. قال الله عز وجل فأتوا حرثكم أن شئتم، فأتوا حرثكم، فأتوه أن شئتم كما تشاء. وقال ولو أرادوا الخروج لا أعدوا له عدة. إذن فأثبت للعبد إتيانا بمشيئته أن شئتم، وإعدادا بإرادته، لو أرادوا الخروج لا أعدوا له العدة. لو أرادوا، إذن لو أردت هذا دليل أنك تستطيع وأنك تريد. Donc tout individu sait qu'il possède une volonté et une capacité avec lesquelles il agit et il délaisse. La différence entre ce qui est le fruit de sa propre volonté par exemple conséquence de sa propre volonté telle que par exemple les tremblements qui le peuvent. On a de la fièvre et on commence à trembler. Tout le monde sait que c'est plus fort que nous. C'est pas moi qui ai voulu trembler. Mais voilà que je commence à trembler. Pourquoi ? Parce que j'ai eu peur ou bien j'ai de la fièvre. Donc moi je voudrais faire une conclusion très simple. C'est que dire les gens de la sunna et du consensus et la sunna ou jama'a disent que en ce qui concerne est-ce que on a de la volonté ou bien on n'a pas, on est contraint, il faut faire deux dans lesquelles on est contraint. Il y a des choses dans lesquelles c'est nous qui choisissons, il y a des choses dans lesquelles on est contraint, des choses dans lesquelles c'est nous qui choisissons. Par exemple, est-ce que par exemple quelqu'un peut ne pas dormir par exemple une semaine, 10 jours, 15 jours? Il peut pas, il est contraint de dormir. Quelqu'un peut-il ne pas mourir? Il peut pas, il est contraint de mourir. Quelqu'un peut-il ne pas avoir faim? Il ne peut pas, il est contraint d'avoir faim. Quelqu'un peut-il ne pas trembler quand il voit un lion? Il ne peut pas. Il est obligé de trembler. Quelqu'un peut ne pas voir. Maintenant. Comme je veux dire, il y a des choses, c'est nous qui choisissons. Moi, je choisis si je marche à pied ou je vais en voiture. Moi, je choisis si je vais aller à la mosquée ou je vais aller au marché. Je me marie avec l'autre, etc. Donc, si je fais la prière ou si je vais boire de l'alcool. Je suis libre dans cela. Je suis libre. C'est pour ça que Allah Azza wa Jal a dit, pour celui d'entre vous qui veut suivre le chemin droit, pour celui d'entre vous qui veut suivre le chemin droit. Donc, il y y a le chemin droit et il y a le faux choisissant. وهذين نجدين وهذين طيب نشوف المشكلة. طيب ماذا نفعل؟ ممكن نسكر وافتح مرة ثانية. أبو طالب من هو أفعل يخرج وأرجع لأن أبو طالب في صوت. نعم تويوك يا أبو طالب. Oui, ça se coupe beaucoup. Ça se... Moi, je suis bloqué. Je veux enlever le point rouge, je peux pas. Enlever le point rouge, je peux pas. Yani, c'est très lourd. Bon, moi... Boutalab, je sors 5 minutes et je reviens à cause du son qui se coupe beaucoup. Je suis seulement avec 40. 40, c'est peu pour l'Internet. Je sors 5 minutes et je reviens... tu prends le micro si tu veux, je reviens dans 5 minutes, peut-être je vais rentrer un peu plus rapide, peut-être je vais rentrer un peu plus rapide, Inch'Allah. لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وشره سبحان ذي الملك والملكوت سبحان الذي لا يموت سبحان الذي يحيي الخلائق ولا يموت سبحان الذي فضعت لعظمته الرقاب سبحان الذي ذلت لجبروته الشعاب سبحان رب الأرباب سبحان مسبب الأسباب سبحان الذي في السماء عرشه وفي الأرض سلطانه سبحان الذي لا تراه في الدنيا العيون ولا تخالطه الظنون ويعجز عن وصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائب يعلم متى قيل الجبال ومتى يئل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار يا ملجأ القاصدين يا حبيب المحبين يا أنيس المنقطعين يا جليس الذاكرين يا من هو عند قلوب المنكسرين يا مجيب دعوة المضطرين يا رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما يا من يملك حوائج السائلين ويعلم ضمائر الصامتين يا من ليس معه رب يدعى ولا ملك على السواء السؤال يرجى ولا شافع يغشى. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أنعمت به وأوليت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب ونتوب إليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم واحفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام قاعدين واحفظنا بالإسلام راقدين. اللهم إنا نسألك عيشة نقية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح. اللهم أعنا على الموت وكربته والقبر وظنته والصراط وزلته ويوم القيامة وروعته. إلهنا خلقتنا فأحسنت ورزقتنا فأنعمت وعلمتنا فهديت ثم عصيناك جهرا فغفرت وأذنبنا سرا فسترت. خيرك إلينا نازل وشرنا إليك صاعد. فنحن المذنبون المقصرون. لو نظرت إلى أعمالنا فإنا نستحق العقوبة ولكن رحمتك هي أوسع لنا فلتسعنا رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا وزدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وانصرنا ولا تنصر علينا. اللهم بيض وجوهنا ويمن كتابنا وارفع درجاتنا وثقل ميزاننا وتجاوز عن سيئاتنا. اللهم بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام. نسألك يا الله يا رحمن أن تنور بكتابك أبصارنا وأن تطلق به ألسنتنا وأن تنور به قبورنا وأن تغفر به ذنوبنا وأن تصلح به أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك والفوز بجناتك إلهنا. ها هو شهرك الكريم قد رحل ونحن على خوف ووجل وفيك الأمل، فتقبل يا ربنا منا صيامنا وقيامنا وصلاتنا وأذكارنا وسائر أعمالنا، ولا تردها في وجوهنا يوم القيامة يوم الحسرة والندامة. إلهنا أغلقت الأبواب إلا بابك، فلا تبعدنا عن جنابك، فإن أبعدتنا فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا بك. لا إله إلا الله عدد ما مشى فوق الأرضين ودرجه، والحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج. يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب، ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب، وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب. برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا، حتى يكونوا في بطون الألحاد مطمئنين وعند قيام الأشهاد من الآخر. السلام عليكم. فيه صوت لاني ابو طالب ما كنتش اسمع فيك كي تكون تكلم انت، انتم تسمعوني؟ طيب خلاص، بس انا اتكلم يعني ما كنت تكلم انت والله ما اسمع شيء. نعم، قلت اخر شيء توقفنا عنده فيما يخص شو اتذكر دقيقة وان كنا نتكلم. نعم قلت فيه يعني طائفتان ضالتان في القضاء والقدر. طائفة تقول نحن مجبورون على فعل المعاصي وعلى فعل كل شيء، وطائفة تقول ماذا؟ طائفة تقول يعني الله عز وجل عفوا، وطائفة تقول عكس ذلك، تقول كل ما نفعل فهو بماذا؟ بمقدورنا، والله عز وجل ليس هو الخالق لأفعالنا. ومذهب السنة والجماعة كما تعلمون في كل شيء هو وسط، دائما هو وسط. فمذهب السنة والجماعة ماذا يقولون؟ يقولون نحن مجبورون في أشياء ويعني مخيرون في أشياء، نحن مسيرون في أشياء ومخيرون في أشياء. مسيرون في الأمور الكونية، مثلا يستطيع أحدنا أن لا ينام، أن لا يأكل، أن لا يجوع، أن لا يخاف، أن لا كذا، لا يستطيع، أن لا يموت، هذا مجبور ومسير فيه. وأما فيما يخص طاعة المعاصي فالإنسان مخير وهديناه النجدين، فأنت الذي تختار، فأنت الذي تختار بين أن تفعل المعصية وبين أن تفعل الطاعة. ولهذا فإذا فعل أحد المعصية فليس له حجة، فليس له حجة عند الله عز وجل بأن يقول أنت يا الله الذي كتبت علي هذا، كما يقول بعض الجهال، وسنرجع إن شاء الله تعالى إلى هذا بعد دقيقة. Donc comme je disais, madhab al-sunnah al-jama'a sont toujours au milieu. Les gens de la sunna et du consensus sont toujours au milieu. Au milieu entre ceux qui disent c'est Allah Azza wa Jal qui a écrit ses péchés et c'est lui qui nous a forcé de faire ses péchés. Parce que tout ce qu'on fait, c'est Allah Azza wa Jal, c'est lui qui yani, nous contraint à le faire. On dit ça, ce n'est pas vrai. Et entre la deuxième secte qui dit que c'est nous qui faisons tout, c'est pas Allah qui a écrit que ceci, que cela, c'est nous qui faisons tout. On dit ça aussi, c'est pas vrai. Les premiers s'appellent Jabriyoun, le deuxième s'appelle Al-Qadariya. Mais nous on dit quoi? On dit Al-Sunnah al-Jama'a, on dit il y a des choses dont on est contraint, il y a des choses c'est nous qui choisissons. Par exemple, les choses dont on est contraint de faire, comme j'ai dit, par exemple, on a peur, on a faim, on dort, on est obligé de mourir, on est obligé de tomber malade, etc. C'est pas nous qui choisissons dans ces choses. Et il y a d'autres choses, c'est nous qui choisissons. Lesquelles? Par exemple, entre faire le mal et le bien, entre faire le péché et faire le bienfait, entre faire la prière et faire du mal, ou aller voler, ou aller boire de l'alcool. Tout ça, c'est nous qui choisissons. C'est pour ça, aucune personne ne fait le péché et n'a le droit de dire c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a écrit ça. Le libre arbitre. Comme certains disent, par exemple, disent, on lui dit pourquoi tu fais pas la prière, il dit qu'est-ce que vous voulez que je fasse, la râle, c'est Allah qui a écrit ça. Pourquoi toi tu te drogues, Allah, c'est Allah qui a écrit ça. Il y a beaucoup de gens qui disent cela. Et c'est pour ça qu'ils disent que Omar al-Khattab radiallahu ta'ala anhu, une fois il a attrapé quelqu'un qui a volé. On lui a ramené quelqu'un qui a volé. Il lui a dit pourquoi tu as volé. Il a dit Allah, c'est Allah qui a écrit ça, yani, c'est pas de ma faute. Il a dit coupez-lui la main pour le vol et frappez-le à cause de, lorsqu'il a dit c'est Allah qui m'a forcé de faire ça, et frappez-le à cause du mensonge sur Allah Azza wa Jal. Et il y a des gens qui disent Omar radiallahu ta'ala anhu utiyalah bi sariq fa طلب أن يقطع يده عفوا قال لماذا فعلت هذا قال الله عز وجل هو الذي أجبرني على هذا فقال عمر أما هذا فنقطع يده من أجل السرقة وطلب أن يجلد 4 جلدات و5 من أجل ماذا من أجل الكذب على الله سبحانه وتعالى الكذب على الله سبحانه وتعالى لما قال إن الله عز وجل هو الذي كتب علي وهو الذي أجبرني على أن أفعل هذه المعصية. ثم في شيء آخر، لماذا الإنسان مثلا لو مثلا يسرق، لو يسرق ويعرف أن ماله مثلا عند هذا المسروق، عند هذا السارق عفوا، لماذا يحاول أن يسترجع ماله بكل السبل والطرق، حتى ممكن يذهب به المحكمة، حتى ممكن يريد أن يضربه وكذا، لماذا لا يقول هذا مقدر؟ لماذا لا يسكت ويقول خلاص سرقوني هذا مقدر؟ لماذا يحرص على إرجاع ماله بكل طريق ويفعل ويبذل في ذلك كل جهد؟ لماذا لا يقول هذا مقدر؟ نفس الشيء فيما يخص الطاعات والمعاصي، لابد أن يحرص حتى ماذا، كما قال صلى الله عليه وسلم يحرص على ما ينفعك، يحرص على الشيء الذي ينفعه ويحاول فعله، فإن لم يستطع يقول قدر الله ما شاء فعل، هذا يعني شيء مكتوب، لكن أن ينام ويقول هذا مقدر لا. لماذا تحرص على يرجع المال لما يسرق؟ كذلك تحرص على ماذا؟ على فعل الطاعات. Vous remarquez que quand par exemple quelqu'un nous frappe, par exemple nous frappe ou là nous vole quelque chose, pourquoi on ne dit pas, on se tait, on dit Allah ghalib, c'est le destin, ça y est, il m'a pris l'argent, Allah ghalib, khalas, je vais à la maison, c'est le destin. Mais par contre non, on essaye de rendre l'argent, on essaye de le récupérer, on essaye de frapper le voleur, on essaye d'aller l'emprisonner si on peut. Pourquoi on dit faqadar Allahu ma sha fa'al? Parce que donc c'est qu'on sait qu'on peut يعني on peut récupérer cet argent et on fait tout notre possible pour le récupérer. La même chose il faut faire en ce qui concerne, quoi, les péchés. En ce qui concerne les péchés, il faut s'en éloigner le maximum et faire tout ce qui est dans notre possible pour ne pas les faire. Et la même chose pour les ta'at, les prières et ce que Allah Azza wa Jal aime. On essaye de les faire et on va pas dormir, on dit qaddara Allahu ma sha fa'al. Non, on essaye de faire des ablutions, on essaye de faire la prière, on essaye de lire le Coran, on essaye de faire ce que Allah Azza wa Jal aime, on essaye de s'éloigner de ce que Allah Azza wa Jal n'aime pas. Et si jamais, après avoir essayé, quelque chose arrive, qu'est-ce qu'on dit? On dit qaddara Allahu ma sha fa'al. Là, on dit qaddara Allahu ma sha fa'al. On fait pas comme les gens qui font les péchés, ils disent qaddara Allahu ma sha fa'al. Donc, Al-Sunnah al-Jama'a, yahtajuna bil qadar ala madha? على هذه قاعدة يحتجون بالقدر على المعائب عفوا على المصائب وليس على المعائب. أهل السنة والجماعة يحتجون بالقدر على ماذا؟ على المصائب وليس على المعائب. إذا أثرت مصيبة ماذا قال؟ قدر الله وما شاء فعل. وليس هو يزني ويسرق ولا يصلي ويفعل كل محرمات ويقول ماذا؟ ويقول قدر الله وما شاء فعل. Donc les Ahl Sunnah ou le Jama'a, les gens de la Sunnah et du consensus, ils disent qaddara Allahu ma sha'a fa'al quand il y a quelque chose d'Allah subhanahu wa ta'ala qui leur arrive. Il leur arrive un problème, yani un accident de voiture, une maladie, un choc, ils apprennent que quelqu'un est mort. Là ils disent qaddara Allahu ma sha'a fa'al. Pourquoi? Ça s'appelle des masaïb. Il y a des musiba qui viennent d'Allah Azza wa Jal. Bien sûr, c'est des fois les mousseba, c'est nous qui faisons les péchés, Allah Azza wa Jal nous donne une mousseba. Mais quand il y a une mousseba, on dit qaddara Allahu ma sha'a. Mais Al-Sunnah al-Jama'a ne font pas les péchés, ils disent qaddara Allahu ma sha'a. Ils boivent l'alcool et ils disent qaddara Allahu ma sha'a. Si Allah Azza wa Jal avait voulu, j'aurais pas bu le vin. C'est Allah Azza wa Jal qui a écrit ça. C'était écrit il y a 50 000 ans avant que Allah Azza wa Jal n'ait créé les cieux et la terre. Nous on dit, ça, tu es un menteur. Tu es un menteur et tu es un égaré. Tu es un menteur. Tu as menti Allah Azza wa Jal. C'est pas lui qui t'a contraint. Et deuxièmement, tu es un égaré parce que tu es un Jabri. Tu fais partie maintenant de la secte des Jabriya et non pas de la secte de Al-Sunnah al-Jama'a. Lakinna fi amr muhim huna, wa hada shay'un thalith aw rabi'un mumkin nakhtimu bihi, huwa anna Al-Sunnah al-Jama'a qalu yajuzu al-ihtijaj. Yajuzu al-ihtijaj بالقدر على المعاصي بعد التوبة. بعد التوبة إذا تاب الإنسان كان يفعل المعاصي ثم تاب منها وقالع ورجع إلى الله وندم واستغفر وممكن باكى ثم بعد ذلك قيل له مثلا قال له الإنسان أنت ألست كنت تشرب الخمر؟ ألست كنت تزني؟ ماذا يقول؟ يقول قدر الله وما شاء فعل. هكذا يفعلوا أهل السنة والجماعة كما يقول شيخ الإسلام. قالوا هذا جائز واحتجوا بقصة آدم عليه السلام لما قال أتلوموني على شيء قدر الله 50-40 سنة قبل أن يخلقني. لماذا؟ لأن آدم عليه السلام كان تاب فتاب آدم عليه السلام. فبعد التوبة يستطيع الإنسان أن يقول عن شيء قد مضى وتاب منه قدر الله ما شاء فعل. لكن وهو ما زال متلبسا بالمعصية وما زال يفعل المعصية وفي أثنائها يقول قدر الله ما شاء فعل هذا ضلال مبين. ضلال مبين. فاحفظوا هذه القاعدة بارك الله فيكم لأنها مهمة جدا. أهل السنة والجماعة عندي on peut يعني dire قدر الله ما شاء فعل sur le péché mais à une condition, une seule, laquelle nous j'ai dit auparavant, on ne dit pas sur le péché qadar Allahumma shafa'al. Mais maintenant il y a une exception. On peut dire qadar Allahumma shafa'al dans une seule condition, laquelle? Si on fait le repentir, on laisse le péché, on s'en éloigne, on fait le repentir et on revient vers Allah. Ensuite par exemple quelqu'un va nous dire, dis-moi, toi, l'an passé où ça fait 5 ans, tu ne faisais pas ceci cela, tu ne buvais pas de l'alcool, tu n'étais pas un voleur, tu volais pas l'argent, etc. Qu'est-ce qu'on dit? On dit qaddara Allahumma shafa'al. Pourquoi? Parce qu'on a fait le repentir. C'est terminé, c'est quelque chose qui est passé. Ça oui, c'était écrit qaddara Allahumma shafa'al. Mais pas à l'instant où on fait le péché, on va dire qaddara Allahumma shafa'al. Voilà la différence entre un sunnah ou les autres. Les autres, ils font le péché et tu leur dis pourquoi ? Tu dis qu'Allah m'a fait chafal. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? C'est Allah qui m'a écrit, menteur. Et un sunnah ou le jama'a, ils disent, après s'être repenti du péché, si quelqu'un leur dit pourquoi tu as fait cela, il dit qu'Allah m'a fait chafal. Ça, vous devez bien le comprendre. Quand est-ce qu'un sunnah ou le jama'a, quand est-ce qu'ils disent qu'Allah m'a fait chafal, et quand est-ce qu'il est interdit de dire qu'Allah m'a fait chafal, et c'est quand est-ce que, comme j'ai dit, quand on est en plein péché avant de faire le repentir. أظن أنه يكفي اليوم فيما يخص هذا حتى لا تختلط علينا الأمور يكفي اليوم إن شاء الله تعالى فيما يخص القضاء والقدر وما زال الكلام إن شاء الله تعالى فيه طويلا نتركه لفرصة أخرى je crois que ça suffit aujourd'hui إن شاء الله تعالى en ce qui concerne القضاء والقدر et عفوا يا يعني يا beaucoup à dire dans ce sujet aussi mais يعني petit à petit on commence petit à petit pas tout à la fois c'est pour ça أخونا فريد السلام عليكم ورحمة الله وبارك الله فيك أراك موجودا معنا فلعلك أيضا أهلا وسهلا بك لعلك أيضا تريد أن تقول شيئا في هذا الموضوع وهو موضوع طويل وعريض زلت فيه أقدام كثيرة كما لا يخفى عليك فالله يحييك فريد avant d'oublier je vais te donner le micro tu vas me répondre à ma question jazakallahu khairan il y avait une sœur une fois je t'avais demandé de lui demander sur son cas de lui demander sur son cas je ne sais pas si tu lui as répondu tu lui as pas répondu je te donne le micro pour que tu me répondes inshallah ta'ala subhanak allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk tafadhal السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حي الله الجميع وبارك الله في الجميع وحي الله الشيخ أبو عبد الله محمد بارك الله فيك وفي علمك وفي دعوتك وجزاك الله خيرا على ما تقدمه لإخواننا أهل العربية وأهل الفرنسية وجزاك الله خيرا وبارك الله فيك أما بنسبة السؤال الذي طرحته أنت قبل أظن أسبوعين أو ما أذكر ذكرت عن الأخت في مسألة الطلاق أظن كذا كذا ما أدري يا شيخ من كيميا إذا بلغك أخونا أبو طالب قلت له كل شيخ ابن تيمية قلت له كل شيخ ابن تيمية يرسل لي السؤال على الإيميل على البريد الإلكتروني ما أدري أخبرك وإن كنت تريد أن تحذف اسمه استخدم الأخت ما عندنا إشكال هل تستطيع أن ترسل لي السؤال على طريقة البريد فأنا حتى أقرأ ثم أعرض الكلام على المشايخ لأن أخشى أن أنسى كلاما أو أزيد كلاما نعم أنا قلت للأخ أبو طالب كنت أخبرته وأعطيت له البريد العنوان الإيميل لكن ما أدري أعطاك إياه أم لا لأن أنت عندك الخاص مغلق الخاص تاعك حاولت أن نرسله عند الخاص تاعك ما استطعت فإن كان عندك أبو طالب أنت موجود أبو طالب أنت داخل عندك لمالي يا أبا طالب أظنك موجود tu as donné l'email à mon Cheikh Abou Abdullah donne l'email mon adresse l'email à Cheikh Abou Abdullah dans le TV أعطيه وحاول يا شيخ أبو عبد الله يا شيخ أبو عبد الله بن تيمية حاول أرسل لي على إيميلي السؤال ولو حذفت إيش المستخدم للأخت هذه ما عندنا إشكال أرسل لي بس السؤال صورة عن السؤال حتى أنا أستخرج السؤال ولو كان باللغة الفرنسية وترجمه وأنا أطرح السؤال كاملا لعدة مشايخ أما هكذا أخشى أني أنسى شيئا أو أزيد شيئا أو أزيد شيئا هذا الذي فبارك الله فيك اما بالنسبة يعني زيادة عن كلام في حول القدر والقضاء يكفي ما قلته انت وبارك الله فيك انا عندي درس في شرح الاربعين النووية باللغة الفرنسية عندي بعض الكلام العربي ولكن أكثر باللغة الفرنسية. ودخلنا الآن في حديث الثاني الذي رواه المسلم عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أيضا كما الحديث الأول. ووصلنا في تعريف النبي صلى الله عليه وسلم للإسلام عندما سأله جبريل. وإذا وصلنا إن شاء الله عن سؤال عن أصول الإيمان يذكر فيه القدر، فسأنت الله إن شاء الله نتعرض لمسائل القدر بالحكمة وباللطف. لا درس ليش الآن، احنا عندنا درس يوم السبت مثل ما قلت في أصول الثلاثة، وعندي درس بالهاتف في مناطق فرنسا حول 40 نوية، وأيضا يعرض على البالتوك وهو مو في أحيانا نسوي اليوم الاثنين أحيانا كذا. المهم نتجنب الأيام التي فيها دروس الشيوخ وطلاب العلم، وهذا هو. بارك الله فيك. أما بالنسبة للسؤال يا شيخ ابن تيمية حياك الله وبارك الله فيك، حاول أرسله لي بطريقة الإيميل حتى أن أستخرج السؤال كاملا وأستطيع أن أعرض على عدة مشايخ. عندي الشيخ سبيل مثلا بكرة، الشيخ سبيل من هيئة كبار العلماء عنده استفتاح في البيت أو عنده جلسة ومجلس. نعم عنده الشيخ بارك الله فيك يا المكي موجود، المكي موجود ما أدري. أنا تكلمني الأخ مكي بالخاص، قلت لك يا شيخ ابن تيمية الشيخ تعرفه أيضا الشيخ محمد بن عبد الله سبيل من هيئة كبار العلماء، وهو يعتبر مفتيا في مكة، عنده جلسة اليوم الاثنين في البيت، أنا دائما أزوره غالب الأوقات، فسأعرض وأطرح السؤال عليه من كبار العلماء، وسأطرحه على الشيخ ربيع وإن كان الشيخ ربيع يعني مريضا قليلا، وسأطرحه على غيرهما من مشايخ الدعوة السلفية أكابر العلم بارك الله فيهم. فحاول، ولكن إذا كان السؤال بين يدي وأقرأه من أوله آخره ثم أستخلص ما فيه، فأكون يكون عندي فكرة فأستطيع أن أطرحه بسهولة. أما هكذا أخشى أنني أزيد أو أنقص شيئا، وتعرف أنت إذا زدت أنقص ثم ما يجي الجواب مطابقا للسؤال. نريد أن يكون الجواب مطابقا للسؤال حتى تخرج المرأة التي أرسلت لك هذا السؤال يعني مرتاحة، ويعني ما عندها شكوك ولا شيء. وإن شاء الله نسأل الله تعالى أن تصلح الأمور، وجزاك الله خيرا على يعني معاونتك لها ومساعدتك لإخواننا وأخواتنا الذين هم يعيشون في هذه البلاد التي لا يوجد فيها علماء، وأظن حتى طلاب علم ما هم إلا قليلون جدا. وجزاك الله خيرا. تفضل يا شيخ أبو عبد الله واسمح لي وجزاك الله خير، واستسمح الجميع عن الإطالة. تفضل يا شيخ ابن تيمية، لك اللاقيت إن شاء الله المايك. جزاك الله خيرا وبارك الله فيك، وزاد الله في علمك ونفع بك الخلق، وسير بك إن شاء الله تعالى يعني كثير من إخوة سلفيين وسلفيات إن شاء الله تعالى. قلت ممكن هو الحين زوجها سيكلمك على الخصوص في قاعة خاصة إن شاء الله تعالى، فلعله يعني هو أدرى بمسألته مني إن شاء الله تعالى تعينه هو، لأن أخانا وأختنا يعني في حالة يعني لا يتمنها الواحد والله. فلهذا أنت إن شاء الله مأجور، ومن يعني طوبى لمن جعله الله عز وجل مفتاحا للخير، فأسأل الله عز وجل أن يجعلك مفتاحا لهما يا رب العالمين. أخي أبو طالب نبدأ إن شاء الله تعالى في السؤال الأول، جزاك الله خيرا. أعطيني سؤال أجيب سؤال بسؤال بارك الله فيك، اليوم أجيب سؤال بسؤال حتى يعني حتى لا أكتب الأسئلة عندي، إنما أجيب سؤال بسؤال. تفضل أعطيني السؤال الأول جزاك الله خيرا، والأسئلة الصعبة سأكتبها في الكراسة. نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل في صوت؟ حياكم الله جميعا وحياك الله يا شيخ ويا أخي فريد بارك الله فيكم. صوت؟ نعم الحمد لله. السؤال الأول: est-ce qu'on peut dire qu'Allah عز وجل est musabibul asbab? Est-ce qu'on peut dire qu'Allah عز وجل est musabibul asbab, c'est-à-dire qu'Allah est l'auteur des causes, et quel est le hukm de celui qui la prononce? بارك الله فيكم. تفضل يا شيخ. في صوت أبو طالب، في صوت، جزاك الله خير، في صوت. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيما يخص الجواب عن هذا السؤال، والله تعالى أعلم وأحكم أن هذا يجوز بشرط أن يكون من باب ماذا؟ من باب الإخبار وليس من باب الأسماء، لأن أسماء الله عز وجل ليس من أسمائه المسبب، إنما هو من باب الأخبار، وباب الأخبار أوسع من باب، من باب ماذا؟ من باب الصفات، بل من باب أيضا الأسماء، ولهذا يجوز من باب الأخبار ما لا يجوز من باب الصفات والأسماء. فإذا أخبر أحد قال إن الله هو المسبب أو مسبب الأسباب ويقصد أنه يخبر، فإنه إن شاء الله تعالى جائز فيما أعلم. وما أدري هل يحتاج إلى أن أجيب بالفرنسية أم لا يحتاج، أنت تخبرني إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله عز وجل سينو سينو إسيز أتريبو صفاته سينو يا سيختانو كنو نو on connaît pas, parce qu'il les a gardés pour lui, Azza wa Jal. Il a gardé des noms pour lui, Azza wa Jal, que même nous, on connaît pas. Chaque nom, bien sûr, dans chaque nom, il y a une sefa, il y a un attribut. Dans chaque nom, il y a un attribut. Mais des fois, on dit, bien sûr, Allah Azza wa Jal, on peut pas venir de nos têtes avec des attributs. On peut pas venir, nous, sefat. Sefat, c'est Allah Azza wa Jal et son prophète Sarazim qui nous apprennent que tel attribut, c'est un attribut à lui. On ne peut pas comme ça avec, parce qu'on est par exemple intelligent, on va faire sortir des attributs. Ça, c'est impossible. Mais en ce qui concerne, les ulama disent, on peut, je ne sais pas comment on dit en arabe, par exemple, en français tu dis qu'Allah Azza wa Jal, par exemple, c'est lui par exemple qui fait ceci, fait cela, sans que ça soit un attribut. Tu peux tukhbir faqat, tukhbir an Allah Azza wa Jal, informer, jazakallah khair, tu informes que Allah Azza wa Jal par exemple c'est le muhyi, et c'est lui le mumit, alors que par exemple le muhyi ou le mumit, ce ne sont pas ses noms, mais tu informes, tu dis que Allah Azza wa Jal par exemple Moujoud, alors que c'est pas Allah Azza wa Jal, c'est pas dans ses noms et ses attributs que Moujoud, Moujoud hada. Mais tu dis Allah Azza wa Jal Moujoud pour informer les gens, parce que tu ne peux pas dire autre chose. Il faut que tu dises Allah Azza wa Jal Moujoud, mais pourtant ce n'est pas ni dans ses noms ni dans ses attributs. La même chose ici, tu dis Allah Azza wa Jal huwa musabbib al-asbab, tu veux informer les gens, c'est tout, mais tu n'as pas dit c'est un nom à lui ou bien c'est un attribut. C'est pour ça que les ulama de la Aqidah ont dit l'information sur Allah est vaste. Tu peux informer des choses que Allah Azza wa Jal, sans que cette chose ne soit ni son nom ni son attribut. Wallahu ta'ala a'lam. Tafadhal, il a fait su'al thani. Et s'il y a quelqu'un qui veut poser la question, qu'il lève sa main, comme ça si je vois sa main levée, je lui donne directement, inshallah ta'ala, la parole. Tout à l'heure il y avait un shaitan qui est rentré ici, je l'ai fait sortir pour le bannir, mais je le trouve pas dans la console. Je ne sais pas pourquoi l'internet était très lourd. Il s'appelle Kandahar, ce diable s'appelle Kandahar, alors que lui-même il a une salle et il fait les prêches. Il parle, parle Allah, parle le Rasoul. Subhanallah al-Azim. Subhanallah al-Azim. Subhanallah al-Azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billah al-Ali. Il parle, il dit, parle Allah, il apprend aux gens. Allah a dit, le prophète Al-Sasham a dit, et voilà un hadith. Et pourtant, c'est un diable. Wala hawla wala quwwata illa billah. Comme a dit le prophète alayhi salatu wasallam, du'atun ala abwabi jahannam. Du'at, na'am, il y a des du'at, mais des du'at, des prêcheurs sur la porte de jahannam. Ça veut dire, ils envoient les gens à jahannam. Il s'appelle Kandahar, c'est un shaitan, ul'iyadu billah. Si vous le voyez quelque part, n'oubliez pas de dire a'udu billah min shaitan rajim, pour qu'il s'éloigne de vous. Tfadal, abut. نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال إن شاء الله. Une sœur demande si le cheikh peut expliquer la notion de libre arbitre. Il y a nos différents choix, nos péchés sont-ils déjà mentionnés dans notre destin? Tout ça mène à. Est-ce que tout ce qui est fait, nos différents choix, nos péchés sont-ils déjà mentionnés dans notre destin? السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الحقيقة يعني سؤال سهل وصعب. صعب لماذا؟ لأن أولا المطلوب أن يكون من غير شك باللغة الفرنسية، وهذا أصعب ما يكون، لا سيما لأحد ليس له خبرة مثلي. لكن أنا سأحاول، يعني سأبذل كل ما في وسعي إن شاء الله تعالى. فإذا فهمت فهذا فضل من الله عز وجل، وإذا لم تفهم فممكن لتقصيري في إبلاغ هالكلام على الوجه المطلوب. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا هذا التقصير. Donc comme j'ai dit, je vais essayer au maximum de lui expliquer cela. Si elle comprend, j'arrive à lui faire comprendre, c'est que الله عز وجل m'a aidé, il a aidé, il lui a ouvert son cœur. Si je n'arrive pas, c'est que c'est moi le fautif, et c'est que c'est Allah Azza wa Jal qui me pardonne et qui m'excuse. Bien sûr, toute chose que toute personne fera depuis la création de cette personne jusqu'à ce qu'elle meure, cette personne a été écrite dans le tableau préservé 50 000 ans avant que Allah Azza wa Jal ait créé les cieux et les terres. Donc toute chose a été écrite. فإن كل شيء يفعله المرء منذ ولادته إلى أن يموت إلا وكان هذا الشيء مكتوبا في اللوح المحفوظ ليس فقط قبل أن يخلق الله تعالى هذا الفاعل، بل قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. لكن الله عز وجل quand il a écrit ce que cette personne allait faire, par exemple il a écrit que, appelons-le par exemple Ali, ou bien bon, il s'appelle une personne qui s'appelle par exemple Ali, par exemple le 15 mai, en l'an 2005, cette personne par exemple boira de l'alcool à 6 heures du soir. Cette chose était écrite, donc est écrite dans le tableau préservé de l'Ouh al-Mahfouz 50 000 ans avant que Allah Azza wa Jal n'ait créé les cieux et la terre, et je ne sais pas combien de milliards d'années avant d'avoir créé cette personne. Donc c'était écrit que Ali X Ali Hada boira de l'alcool tel jour. Je ne sais pas si j'ai dit le 15 mai, en l'an 2005 à 6 heures du soir. Mais ça ne veut pas dire que Allah Azza wa Jal lui a dit de boire, mais seulement Allah Azza wa Jal a su, parce que son savoir est immense, n'a pas de fin, n'a pas de limite, a su que cette personne allait boire le 15 mai, comme j'ai dit, à 6 heures du soir. Donc Allah Azza wa Jal s'il avait voulu, il n'aurait pas écrit cela, et lorsque cette personne boira l'alcool, Allah Azza wa Jal écrira. Mais comme Allah Azza wa Jal sait d'avance, il a voulu écrire, c'est tout. Il a écrit que tu allais boire, mais il t'a jamais dit il t'a jamais dit bois, et pire, il t'a dit attention, il faut pas boire. Ceux qui boivent l'alcool, je les aime pas. Ceux qui boivent l'alcool, il faut le prophète Hassan les frapper avec les souliers, etc. Les frapper. Pas avec le fouet, mais avec les souliers. Il les frappait. Donc là, je n'aime pas que X boive le vin et l'alcool. Il aime que X ne boive pas et qu'il fasse la prière, qu'il fasse le monde, qu'il va à l'Omra, il va au Hajj. Mais seulement il savait qu'il allait boire et il l'a écrit d'avance. C'est tout. L'Azul ne t'a pas dit boire. Si l'Azul avait voulu, il aurait laissé qu'il boive et ensuite il l'écrit. Mais comme il sait d'avance et que, qu'est-ce qu'il veut dire? Il doit boire. Pourquoi il doit boire? Parce que l'Azul sait que cette personne va boire, sait qu'elle va boire. Je vais revenir dans un instant, je vais rajouter quelque chose en français. يعلم كل شيء قبل حدوثه. فالله عز وجل إذا كتب مثلا في اللوح المحفوظ أن فلانا سيشرب الخمر في اليوم الفلاني على الساعة الفلانية، ليس معنى أن الله عز وجل أمره أن يشرب فضلا عن كونه جبره على الشرب. ما عاد الله، حاشا، الله عز وجل لا يرضى لعباده الكفر ولا يحب الفسوق. إن الله يحب المتقين، يحب المتطهرين، يحب المسلمين. إن الله لا يحب الظالمين، إن الله لا يحب المجرمين، إن الله لا يحب المعتادين، حاشا لله. لكن الله عز وجل علم أن فلانا سيشرب الخمر فكتبه له مسبقا. لماذا؟ لعلمه الأزلي والأبدي أن هذا سيفعل وسيشرب. لكن الله نهاه وقال له لا تشرب ولا تفعل واحذر من خمر. والرسول عليه الصلاة والسلام كان يضرب بالجريد وبالنعال من يشرب الخمر. وفي الرابعة النبي عليه الصلاة والسلام كان يقتل من يشرب الخمر في الرابعة. إذن الله عز وجل سبق في علمه، كتب فقط. ولو شاء الله عز وجل لترك هذا العاصي، هذا الإنسان، حتى يشرب الخمر ثم يكتب. لكن الله عز وجل سبق في علمه، لهذا كتبه مسبقا فقط. ثم أنت لا تعلم أنه مكتوب، أنت لا تعلم أنه مكتوب في اللوح المحفوظ. لو علمت أنه مكتوب تقول خلاص هذا مكتوب، لابد أن أشرب وأشرب. لكن أنت لا تعلم، حتى أنا على افتراض، أنت لا تعلم أنه مكتوب، فلماذا شربت الخمر؟ أنت لا تعلم أن هذا مكتوب. Donc autre chose, aucune personne ne sait ce qu'il y a dans le tableau préservé. Aucune personne ne sait. Pourquoi toi tu bois le vin? Si tu avais lu ce qu'il y avait, à la rigueur, tu aurais bu, tu aurais dit, j'avais lu là-bas en haut que c'était écrit, donc j'ai bu parce qu'il faut que je bois. Mais toi, tu ne sais pas que c'est écrit que tu vas boire du vin, que tu vas faire tel péché. Donc pourquoi tu as fait le péché? Pourquoi tu n'as pas dit le contraire? Tu n'as pas dit, peut-être que Allah Azza wa Jalla a écrit dans le tableau en haut que je fasse la prière, que j'aille à l'Omra, que je bâtisse une mosquée. Pourquoi tu dis pas ça? Tu dis, non, Allah a écrit, donc je vais boire. Non, c'est impossible. Allah Azza wa Jalla, si vous voulez un exemple, un autre exemple plus simple et plus concret, wallah al mathal a'la. Imaginez bon, imaginez Abou Talib fait saute, ou bien le son est-il parti? Oui, Abou Talib, ça, Ibrahim fait saute, chokran. Imaginez moi par exemple, j'apporte une cassette vidéo. Dans cette cassette vidéo, il y a par exemple un match de football, par exemple, et je suis en train de regarder le match de football. Maintenant le match est terminé, qu'est-ce que je fais? Moi, je vais inviter des amis, venez avec moi, on va voir le match. Entre parenthèses, j'ai pris l'exemple du match. Hein. Moi, je ne conseille pas de voir le match ni de voir les gens comme ça en cuissette, etc. Mais supposons, c'est un exemple, seulement un exemple. Maintenant, le match est terminé. J'appelle des amis, on s'assoit. Je leur dis, on va voir le match ensemble. Moi, j'ai vu le match. Eux, ils n'ont pas encore vu parce qu'il est dans une cassette vidéo. Maintenant, le match commence. À chaque fois, avant qu'une action ne se passe, je sais ce qui va se passer. Je vais leur dire, attention, celui-là va tomber, celui-là, l'arbitre va l'expulser, celui-là va tirer sur la barre, celui-là, il va casser quelqu'un, celui-là, il va marquer un but, celui-là, on va lui déchirer le tricot. Comment se fait-il que je sache tout cela? parce qu'il y a une vidéo, j'ai déjà tout vu ce qui va se passer, et je ne peux pas me tromper. Quand je dis il va marquer celui-là, ça veut dire il va marquer. Quand je dis l'arbitre va faire sortir lui, il va le faire sortir. Donc Allah Azza wa Jal, qui a une science infinie, avant de créer tout, avant de créer le monde, il savait exactement ce qu'on allait faire. Il savait, comme toi tu sais que celui-là va marquer, celui-là va tomber, celui-là va être blessé, etc., etc. Pourquoi? C'est comme s'il y avait notre film de notre vie, Allah Azza wa Jal le sait, le connaît avec tous les détails. C'est pour ça, avant que tu fasses une chose, Allah Azza wa Jal l'a écrite dans le tableau préservé. Donc toi, avec la cassette, quand tu as vu le film, tu peux pas écrire dans une feuille, par exemple, que à telle minute celui-là va tomber, à telle minute celui-là va marquer, à telle minute celui-là va etc., etc. Allah Azza wa Jal, il a le mathal a'la, قبل أن يخلق السماوات والأرض عالم كل ما يحدث عالم كل ما يحدث. ضربت المثال للأخت باللغة الفرنسية قلت له إن إنسانا مثلا طلع على شريط فيديو مثلا فيها كرة قدم ثم بعد لحظات دعا بعض أصحابه ودعاهم إلى نفس المشهد هذا وجلس معهم فإنه يعرف بالتفاصيل يقول لهم بعد دقيقة هذا يسجل وهذا سيطرد وهذا سيكسر وهذا يضرب في العريضة وهذا كذا. لماذا؟ لأنه رأى كل شيء. فالله عز وجل لله المثل الأعلى، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. الله عز وجل avant de nous créer il a vu tout ce qu'on allait faire et il sait tout ce qu'on allait faire avec les détails. Comme toi exactement, tu sais ce qu'il y a dans la cassette vidéo, tu sais ce qui se passe et tout ce que tu dis sera vrai. Si tu dis celui-là va tomber, il va tomber. Si tu vas dire il va marquer, il va marquer. Si tu vas dire il va se casser, il va se casser. Et tu ne vas pas te tromper. Pourtant toi tu ne sais rien par rapport à la science d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah Azza wa Jal, la même chose. Avant de nous créer, c'est tout ce qui va se passer. Et pourtant Allah Azza wa Jal peut s'il voulait, il n'écrivait rien jusqu'à ce qu'on fasse. Mais il a tout écrit à l'avance parce qu'il sait qu'il ne peut pas se tromper. Quand il va dire celui-là va faire cela et va faire ceci. Donc Allah Azza wa Jal ne nous a pas obligés à faire les péchés. Il les a écrits seulement parce qu'il savait qu'on allait les faire. Wallahu ta'ala alam. Wa aqil kalima lilladhi ba'daha. Wa idha lam tafham al-ukht faltukhbirni. Donc voilà ce que je sais. Allah Ta'ala est plus savant et plus omniscient. Et si Inch'Allah notre sera compris, qu'elle remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Si elle n'a pas compris, qu'elle me fasse signe. Je vais essayer d'expliquer encore plus, Inch'Allah ta'ala. Fadal. Salam alaykoum, Inch'Allah. Comment doit-on rédiger notre testament? Elle a compris, donc comment doit-on rédiger notre testament pour une personne encore en vie? Est-ce possible qu'une présente sente sa propre mort? Comment doit-on rédiger notre testament pour une personne encore en vie? Est-ce possible qu'une personne sente sa propre mort? Alors, السلام عليكم. في الصوت إن شاء الله. هل أطرح السؤال أم بعد الإجابة؟ الشيخ ابن تيمية، هل أطرح السؤال بعد الإجابة؟ إن شاء الله. بارك الله فيك وأعتذر من أخينا أبي محمد، أعتذر، جزاك الله خير. سأعطيك كلمة مباشرة إن شاء الله بعد الجواب هذا. فيما يخص en ce qui concerne écrire le testament, c'est une sunna bien sûr de l'écrire. C'est une sunna de l'écrire. Il y a un hadith en ce sens qui dit que il n'est pas permis je sais pas si exactement il n'est pas permis, mais c'est en ce sens, yani, que qu'une personne ne dorme une nuit sans qu'elle écrit, sans qu'elle ait écrit le son testament. Et bien sûr, nous tous, yani, on est en faute parce que la plupart des gens n'écrivent pas leur testament. Et le testament, comme j'ai dit, l'écrire c'est une sunna. Et qu'est-ce qu'il écrit l'insan? Qu'est-ce qu'il écrit à l'intérieur? Il dit par exemple comme les phrases, par exemple, Bismillahirrahmanirrahim, Salat Salam Ashraf al-Mursalin. Ensuite, il demande ce qu'il veut qu'on fasse de lui après la mort. Il demande et il écrit ce qu'il veut qu'on fasse de lui après sa mort. Par exemple, s'il veut que, par exemple, il y a une somme d'argent qu'il voudrait qu'il la donne à X, il l'écrit dans le testament. Je voudrais que, par exemple, vous preniez de mon argent telle somme et que vous la donniez à X. Mais la plupart, quand ils font le testament, le font surtout pour le côté piété et le côté yani, religion. Ils écrivent, par exemple, pour dire que, par exemple, si je meurs, je voudrais, par exemple, pardon, je voudrais, par exemple, que ça soit X, par exemple, qui me lave. Parce qu'il sait, par exemple, qu'il est dans un endroit où il y a beaucoup d'innovateurs, il y a beaucoup de bid'a, etc. Et qu'on est, par exemple, X, son voisin, par exemple, c'est un bonhomme pieux, etc. Il dit, par exemple, je voudrais que ça soit X qui me lave, ou je voudrais que ça soit un sunni salafi qui me lave et qui fasse tout ce qui a rapport avec mon enterrement. Ou par exemple, certains disent, par exemple, aussi, je voudrais que ça soit, par exemple, l'imam X, il cite avec le nom, même des fois avec le nom, qui fasse la prière sur moi. Si ce n'est pas lui, un salafi, pas n'importe qui vient, quelqu'un, il fait des bid'a. Maintenant, je suis à la dernière minute, yani, je vais rencontrer Allah dans quelques instants, il vient quelqu'un, il va remplir ma mort plein de bid'a, il va me remplir plein d'innovations. Bien sûr, je ne serai pas fautif, mais puisqu'il y a le testament, pourquoi ne pas le faire d'avance? Et on peut faire aussi le testament, on peut noter par exemple, dire par exemple que je suis bari de tout ce qui par exemple vient pleurer par exemple et se frapper les joues, et par exemple si ma famille par exemple vont déchirer leurs vêtements, etc. Moi je suis bari, je sais pas comment on dit bari en français, par exemple je suis afwan. De toute façon, le testament, on écrit par exemple les choses importantes qui ont relation bien avec la religion, bien avec le din, comme j'ai dit. Par exemple, si on veut donner de l'argent à quelqu'un, si on veut, je me désengage de tous ceux qui vont yani, se frapper les joues après ma mort, ou bien déchirer leurs vêtements, ou bien crier, ou bien faire les 40, le 40e jour. Le 40e jour et le 3e jour, c'est aussi une innovation. Désavoué, c'est une innovation le 3e jour et le 40e jour. Et ça se faisait pas autant des selfs. Quand il meurt quelqu'un, ça y est, il a un jour, il meurt. Et sa famille, sa femme, par exemple, on n'a pas plus de 3 jours. On n'a pas plus de 3 jours en ce qui concerne, par exemple, d'être triste, etc. Pour ce qui concerne sa famille. Sa femme, c'est bien sûr. Comme c'est dans le hadith sahih, je crois que c'est 40 jours ou là, 4 mois. Là, j'ai oublié. Il a 4 jours ou 10 jours. Sauf sa femme, 4 jours, 4 mois et 10 jours. Tous les autres, quand c'est mon père, quand c'est ma mère, quand c'est mon frère, c'est 3 jours seulement. Enfin, 4 mois et 10 jours. Tous les autres, c'est seulement 3 jours. À partir de 3 jours. Et les gens ont compris que 3 jours, ça veut dire le 3e jour, on va faire venir les gens, on va faire les asseoir, on va leur donner à manger, on va faire le couscous, etc. La période de 2. Tout cela, bien sûr, comme vous devez le savoir, ce n'est pas vrai. Et l'imam Ahmed, alayhi rahmatullah, s'est marié le même jour où sa mère, sa femme est morte. Imam Ahmed, rahimahullah, sa femme est morte le matin, il s'est marié le soir. C'est pas surtout parce qu'il a besoin de femme, c'est pour tout, surtout pour apprendre aux gens que ce que font les gens, les innovateurs dans les 40e jours, etc., que ce n'est pas vrai. je vais venir pour la deuxième question. Fimerhos Loisia, من غير شك أن الإنسان يوصي مثلا من سنة أن الإنسان يكتب وصيته ويوصي مثلا بجزء من مال إذا كان يريد ذلك وليس بواجبا، ويوصي بشيء مهم حتى لا يضيع وحتى يوصى به ويكون أول من يطبق في كما لا يخفى عليكم، يعني إذا كان في الوصية فإن شاء الله تعالى لا ينسى. وقد يوصي أيضا بالأمور التي لها علاقة بالدين، يوصي مثلا أن أدفن مثلا في المقبرة المقبرة أهل السنة، ويوصى مثلا أن يصلي علي فلان إذا مثلا كان حيا، أو يصلي أن يصلي علي أحد من سلف وليس من مبتدع يأتي يصلي علي، فيعني حتى في آخر حياتي يعني أتلبس بالبدع الله العافية. وبعضهم يوصي يقول أن يغسلني فلان، بعضهم يوصي بالمكتبة كما فعل الشيخ الألباني على رحمة الله، أوصى بأن تكون كل مكتبته لمكتبة المدينة كما لا يخفى عليكم. نعم، فهذا إن شاء الله تعالى من سنة. وذكرت أنه نعم. En ce qui concerne la deuxième chose, c'est que est-ce que quelqu'un peut sentir sa mort ? Ce que je sais, c'est que personne ne peut sentir sa mort. Personne ne peut sentir sa mort. Même un prophète ne peut pas sentir sa mort. C'est pour ça que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est qui ? C'est Allah Azza wa Jal, quand il lui a fait descendre إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. كانت هذه يعني قرائن قوية جدا على ماذا؟ على أن الله عز وجل خيره وعلى أنه لم يبقى له كثير وسيموت. إذن هذا بعلم الله سبحانه عز وجل. أما أن يكون الإنسان وحده وكذا ويعلم أنه سيموت وسيموت غدا أو بعد غد أو بعد شهر أو بعد سنة، فإنه هذا من غير شك أنه يعني شيء باطل ولا أساس له من الصحة. Donc comme j'ai dit, personne ne peut savoir quand est-ce qu'il meurt. Personne ne peut savoir quand est-ce qu'il meurt. S'il meurt demain ou dans une heure ou dans un mois ou dans trois mois. Et personne ne peut aussi sentir. Personne ne peut aussi sentir. Mais des fois les gens disent quelques phrases comme ça et puis ils décèdent après ces phrases. Alors nous on dit donc il a senti qu'il allait mourir. Donc il a senti qu'il allait mourir. Des fois une personne se sent par exemple un peu triste, etc. Ensuite elle décède après cela. Là, les gens vont dire voilà, c'est qu'il était toujours triste, etc. Il sentait qu'il allait mourir. Mais moi je dis personne ne peut savoir quand il va mourir. Pire que ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rendu visite une fois à Sa'd ibn Abi Waqqas radiallahu ta'ala anhu. Pourquoi? Parce qu'il était en train de mourir et il allait mourir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, Sa'd ibn Abi Waqqas a dit, j'ai fait don de mon argent, yani beaucoup de mon argent. Le prophète alayhi wa sallam, conclusion, lui a dit, yani, ne dépasse pas le tiers, tu laisses tes héritiers riches, c'est mieux que tu les laisses, yani, ils vont demander aux gens de nous donner de l'argent, etc. Alors qu'il n'avait qu'un seul héritier, il avait une fille. Alors, yani, c'est étonnant comment le prophète alayhi wa sallam lui dise, tu laisses tes héritiers au lieu de lui dire ton héritière, la fille. Eh bien, tout cela parce que le prophète alayhi wa sallam, Allah Azza wa Jal, lui a fait savoir qu'il allait vivre, que Sa'd allait vivre encore. C'est pour ça que le prophète alayhi wa sallam lui a dit, Asa Allah an yadurra bika aqwaman wa yinfa'a bika aqwam. Je demande à Allah que beaucoup de gens, que tu fasses yani, du bien à beaucoup de gens, et yani, je sens que tu vas faire du mal à beaucoup de gens, à peu près comme ça. Eh bien celui-là, Sa'd ibn Abi Waqqas, qui allait mourir et que le prophète alayhi wa sallam lui a rendu visite avant qu'il meure, a vécu après cela 46 ans. Allahu Akbar. Et il a eu 24 garçons et filles, 24 enfants. Après qu'il était, donc il était peut-être dans la dernière minute avant de mourir. Donc personne ne sait quand est-ce qu'il va mourir. Voilà quelqu'un qui était sur le lit, alité avant de mourir, il a fait le testament et il a vécu après cela 46 ans et il a eu 22 ou 24 enfants. Donc voilà une preuve que personne ne sait quand est-ce qu'il va mourir. قلت سعد بن أبي لا أحد يستطيع أن يعلم متى يموت ولا أن يشم ويشعر وأن يحس في قلبه أنه سيموت. لا أحد إن شاء الله تعالى هذا هو مذهب السنة والجماعة. وهذا سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه زاره النبي صلى الله عليه وسلم وهو في فراش الموت فقال له عسى الله أن ينفع بك أقواما وأن يضر بك أقواما. وقال له لئن تدع يعني ورثتك أغنياء يعني أفضل من أن تدعهم يتكففون الناس. لماذا قال ورثتك وهو عنده بنت واحدة؟ فلأن الله عز وجل أطلعه أنه سيعيش كثيرا وعاش بعد بعد هذا الحدث عاش 46 سنة وكان له من الولد 24 أو 22 ولد بعد هذا الحدث. هذا السر لما قاله صلى الله عليه وسلم أن تدع ورثتك وليس ورثتك. Donc voilà le sir, voilà pourquoi le prophète عليه الصلاة والسلام lui a dit tu laisses tes héritiers, il n'a pas dit ton héritier ou ton héritière, a dit la femme. Pourquoi? Parce que Allah Azza wa Jalla lui a fait savoir que après cela il allait vivre et il allait avoir 22 ou 24 enfants et ce seront tous les héritiers. Wallahu ta'ala alam. Tfadl akhuna al-karim Abu Muhammad, tfadl. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الصوت إن شاء الله. بارك الله فيكم. سائل يسأل هل يمكن شيخ أن تذكر لنا أقوال السلف الصالح وأئمة الأربعة وكبار العلماء على تارك الصلاة أنه لا يكفر على تارك الصلاة أنه لا يكفر en français إن شاء الله. La question c'est est-ce que Cheikh vous pouvez nous dire parmi les paroles des salaf salih et des quatre imams et des grands savants le fait que celui qui délaisse la prière n'est pas mécréant. Barakallahu fik. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبو طالب فيه صوت. أبو طالب فيه صوت. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أحاول أن أختصر إن شاء الله تعالى ما استطعت حتى أعطيكم الكلمة في السؤال الأسئلة الأخرى وحتى لأنه لم يبقى كثيرا وسأختم إن شاء الله تعالى. قلت أول اتفق العلماء على أنه إن ترك الصلاة جحودا أنه كافر بالله سبحانه وتعالى. Donc les ulama premièrement ils sont tous unis pour dire que s'il ne fait pas la prière parce qu'il ne croit pas en la prière que bien sûr c'est un kafir, c'est un mécréant, il rentrera jahannam, il ne sortira jamais jahannam. Pourquoi? Parce qu'il a dit moi je ne crois pas en la prière et je la nie, je ne crois pas en la prière. Celui-là c'est un kafir, tous ils sont unanimes pour dire cela. إنما اختلف العلماء في من تركها تكسولا. إنما الخلاف في من تركها تكسولا. Mais ils ont divergé sur celui qui ne fait pas la prière tout en croyant en la prière. Ça, il sait, il dit oui. Allah Azza wa Jal a dit il faut la faire, c'est une obligation. Mais je la fais pas parce que je suis fatigué ou bien parce que je suis paresseux ou bien voilà. C'est là que les ulama se sont, yani, ils ont divergé. Pas dans le premier cas. في مثل هذا الحال في مثل هذا الحال فإن الأئمة الثلاثة مالكا وأبا حنيفة والشافعي قالوا بأنه لا يكفر وهي الرواية الصحيحة عن الإمام أحمد كما ذكرها صاحب المغني أنه لا يكفر. إذن ثلاثة أئمة والرواية الصحيحة عن الإمام أحمد على رحمة الله أنه أو الرواية الثانية أنه لا يكفر. Donc dans le cas où il ne fait pas la prière mais seulement parce qu'il est paresseux, il sait qu'elle est une obligation mais il ne la fait pas, trois des grands imams, Malik ou Abu Hanifa ou Shafi'i, ont dit il n'est pas kafir. Et Ahmed aussi, le quatrième Ahmed, dans une deuxième version, un deuxième dire, il a deux dire, une fois il a dit kafir, dans la deuxième, la version la plus solide comme c'est écrit dans le Mughni, il a dit il n'est pas kafir. Il n'est pas kafir. Parmi les ulama maintenant, parmi les ulama de maintenant, et c'est même un dire de Muhammad ibn Abd al-Wahhab quand il a dit que la nukaffir hatta yani hatta telik salat la nukaffir illa bi shahadatayn. Les ulama de maintenant, la plupart des grands ulama de l'Arabie Saoudite disent que c'est un kafir. La plupart des grands ulama de l'Arabie Saoudite, si ce n'est pas tous, disent que même le paresseux, c'est un kafir. Sauf, et bien sûr, et des autres, c'est l'Albani qui dit que ce n'est pas un kafir. Des autres, yani, à part l'Arabie Saoudite, Cheikh l'Albani, rahmatullah, dit que ce n'est pas un paresseux, pardon, s'il ne l'a fait pas à cause de la paresse, ce n'est pas un kafir. أما فيما يخص العلماء المعاصرين فإن أكثر علماء الحجاز العلماء الكبار يقولون هو كافر حتى ولو تركها يعني تكاسلا. أما الشيخ الألباني عليه رحمة الله فإنه يقول هو ليس بكافر إذا تركها تكاسلا. أما الشيخ الإسلام عليه رحمة الله فإنه يقول في حديث العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة من تركها فهو فقد كفر، يقول خصصناه بالامتناع يعني إذا دعاه الحاكم وقام عليه الحجة وطلب منه أن يصلي فقال أمتنع حتى يضرب رأسه، قال هذا كافر. ونعم صح، كيف الإنسان يحب أن يموت ويفضل الموت على ترك الصلاة، عفوا على فعل الصلاة عفوا. إذن شيخ الإسلام قال خصصناه بالامتناع، إذا دعاه الحاكم وقال أنا أمتنع قال هذا كافر بالله عز وجل. En ce qui concerne Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah alayhi rahmatullah, il a dit celui qui ne fait pas la prière, il devient kafir, yani s'il est paresseux, il devient kafir dans un cas. Quel est le cas? Si le gouverneur lui dit écoute, tu fais la prière ou je frappe ta tête, yani je coupe ta tête. Et malgré cela, il dit non, je fais pas la prière. Il a dit dans ce cas, c'est un kafir parce que personne ne veut mourir sauf s'il y a quelque chose, tranche ta tête. Non. Personne ne veut mourir sauf s'il y a quelque chose qui est plus grande que la prière, que la mort. Subhanallah. Quelqu'un qui préfère mourir et ne pas faire la prière, ça n'existe pas. Donc c'est un kafir. Sauf le kafir accepte qu'il meure et qu'il ne fasse pas la prière. Tout musulman, tout croyant, s'il ne fait pas la prière et que le gouverneur le tien, il lui dit écoute, tu fais la prière, je coupe ta tête, je tranche ta tête demain à la place publique, tout croyant fera la prière ce jour là il aura peur, il la fera. Donc celui qui la fera pas, ce sera un mécréant. Donc voilà yani, en grosso modo ce que disent les ulama sur celui qui ne fait pas la prière dans le cas où il est paresseux. Et il y a aussi un dire de Cheikh l'Islam rahmatullah, il dit celui qui ne fait pas la prière, on parle toujours du paresseux, il dit il n'a pas tout laissé, parce que Allah Azza wa Jal, quand il nous dit de faire quelque chose, il nous ordonne quelque chose, on doit faire deux choses. Premièrement, avec le cœur on doit croire que cette chose a été ordonnée, et la deuxième chose on doit la faire avec le corps, pas avec le cœur. On doit faire cette chose. Donc en ce qui concerne la salat, Cheikh l'Islam a dit celui-là dans son cœur il a dit je crois que c'est une obligation, khlas j'ai cru, il a fait donc la première obligation. Reste la deuxième obligation, celle du corps, il ne l'a pas faite, c'est pour ça qu'il n'est pas un kafir. Il a dit il n'a pas délaissé toutes les obligations. Il y a deux obligations, la première avec le cœur il l'a faite, il a dit oui je crois qu'elle est obligée et si je meurs je vais rentrer en enfer, je sais cela. Et la deuxième il dit celle qui l'obligation qu'il n'a pas faite, c'est celle du corps et non pas celle du cœur. Wa Sheikh al-Islam qad inna kull shay'in amara Allah ta'ala bihi illa wa la budda lahu min madha min wajibain al-wajib al-qalbi wal-wajib al-jasadi amma hadha qal falam yatruk kull al-wajib li'annahu aqarra bi qalbihi anna as-salata wajiba baqiya lahu faqat انه لم يفعلها بماذا بجسده فهذا كما قلنا هو ان شاء الله تعالى في مشيئة الله سبحانه وتعالى. Ensuite il y a quelque chose qui m'a beaucoup plu, Cheikh Ibn Uthaymin alayhi rahmatullah, c'est quelqu'un qui qui dit que, yani, il va à l'encontre de Cheikh Al-Albani. Il dit que le paresseux est aussi kafir. Le paresseux est aussi kafir. Mais ce qui m'a plu, c'est qu'il a dit dans un de ses livres, il a dit, si jamais dans un pays où les ulamas de ce pays disent celui qui ne fait pas la prière n'est pas un kafir, ce n'est pas un kafir. Subhanallah al-Azim. Regardez quelqu'un qui est un grand savant, comment qu'il parle. Il a dit, moi, je dis que celui qui ne fait pas la prière paresseusement, c'est un kafir. Mais s'il est dans un pays où les ulamas de ce pays disent qu'il n'est pas un kafir, ce n'est pas un kafir. Subhanallah al-Azim. Unzuru ila al-ilm. Ilm Sheikh bin Uthaymin ala rahmatullah. الذي قال في أحد كتبه وما قرأته بعيني قال لكن أنا أقول إن تارك صلاة تكسلا كافر لكن إذا كان في بلد علماؤه لا يذهبون إلى كفره فهو ليس بكافر. انظروا إلى العلم الرباني, العلم الرباني كيف العالم هذا كيف لا يتعصب ويقول هو عندي كافر, لكن عند العلماء الذين لا يفتون بكفره في بلد يعيشون فيه فهو ليس بكافر. الله أكبر, الله أكبر. طيب فيما يخص قال الشيخنا اسكو لا غريف دو لا فان اي سوتونير سوسي في بارتي لا دعوة سلفية, يعني هل الإضراب عن الطعام هو من الدعوة, يعني يفعله سلفيون أم لا يفعلونه؟ فير لا غريف دو لا فان, فير لا غريف دو لا فان ne la fait que celui qui est mécréant ou celui qui suit leur chemin, ou les musulmans qui suivent le chemin des mécréants. Parce que faire de la grève de la faim, si jamais on meurt, celui-là ira en enfer. Celui-là ira en enfer. Pourquoi? Parce qu'il s'est tué. Allah Ta'ala dit وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ثُمَّ هُوَ سَبِيلٌ مِنْ سُبُلِ الْكَافِرِينَ وَسُبُلِ الضُّلَّالِ والملحدين هم الذين اخترعوا هذه الطريقة ليستجلبوا بها حقوقهم ويدفعوا عنها الشر. Donc quiconque fait la grève de la faim jusqu'à ce qu'il meurt, il a tué, il s'est tué, il s'est assassiné. Comment qu'on dit monsieur assassiné? On dit intahara. Comment qu'on dit il s'est suicidé, il s'est suicidé. Quiconque fait la grève de la faim jusqu'à ce qu'il meurt, il s'est suicidé. Allah Azza wa Jal lui demandera demain lorsqu'il le rencontrera, pourquoi moi je t'ai créé pour vivre et toi tu y as fait une fin à ta vie, pourquoi? Et bien sûr il ira en enfer et ce ne sera pas facile. Ce n'est pas un kafir bien sûr, mais il ira en enfer et je ne sais pas combien qu'il restera pour que Allah Azza wa Jal le fasse sortir. Et aussi ce n'est pas un chemin des musulmans, c'est pas le prophète alayhi salatu wasalam ni ses compagnons qui ont fait cela, mais ce sont les communistes et les autres qui, les ilmaniyoun, les communistes et les autres qui font ceci pour attirer le bien et pour attirer leur droit, etc. Ce sont eux qui ont fait ce, je vais pas dire le mot créer, ce sont eux qui font cela et ce ne sont pas les musulmans ni les salafistes qui font cela. Wallahu ta'ala alam. تفضل اخي ابراهيم 13 تفضل جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمه الله. في صوت الشيخ؟ في صوت؟ نعم الحمد لله. J'ai une question d'un frère. La question est, peut-on travailler pour des ministres français? Peut-on travailler pour des ministères français comme le ministère des Affaires étrangères ou le ministre ou le ministère de l'éducation, l'éducation nationale? Mais le travail consiste comme ranger les documents dans l'administration, etc. Est-ce qu'il peut travailler là-dedans? Barakallahu fik. Salam alaykoum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah, j'ai pas bien entendu tu as dit le ministère de l'éducation, j'ai pas entendu bien le deuxième. Mais je vais donner une réponse yani, sans que je sache exactement. Bon, écris-le. Le ministère, les deux ministères, quels sont les deux ministères? السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله أنا بالحق لا أدري بالضبط ماذا يوجد في هذه الوزارات يعني على وجه التفصيل. والله عز وجل يقول لا تعاونوا على الإثم والعدوان، يعني لما يكون الشيء مثلا فيه معصية الله سبحانه وتعالى هذا يترك ويهجر بطبيعة الحال، لكن لا أدري بالضبط ماذا يوجد هنا، لأن المعاملة مع الكفار كما لا يخفى عليك هي ليست من هي بمنهي عنها، هي ليست بمنهي عنها. والرسول صلى الله عليه وسلم استعمل يعني بعض الكفار، وعلي رضي الله تعالى عنه كما في البخاري استعمل كافرا يعني يذهب يعني ليأتي بالإدخر من أجل أن يتزوج بفاطمة رضي الله تعالى عنها، والنبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر على شطر ما يخرج منها. فالإنسان إذا يعني تعامل مع كافر عمل عنده أو الآخر عمل عنده فليس بمحرم فيما أعلم، لكن لا أدري بالضبط ماذا يعني ما هو الهدف هذا من هذا المينستير هذا يعني، وماذا يوجد أيضا داخله. و والله لا أدري بالضبط، لعل أقول لعل أخي فريد كان يعيش في فرنسا ولعله سمع كلاما للعلماء في هذا الباب، لعله إن شاء الله تعالى يجيبك وأنا أعطيه الحين وأعطيه الجواب إن شاء الله تعالى. إذا كان أنا أجبتك بصفة عامة أنه طالما يعني لم تخبرني أن فيه شيئا محرما هكذا معينا فالأصل أنه جائز، لكن لعل أخي إن شاء الله تعالى فريد عنده يعلم ما لا أعلم. تفضل أخي فريد جزاك الله خيرا. أنت موجود يا أخي فريد، إذا كنت موجودا ارفع يدك حتى تأخذ اللقب، جزاك الله خيرا. إذا ممكن مو موجود أخونا فريد، إن شاء الله تعالى خلي حتى نجيب لك الجواب يعني بالتفصيل حتى أسأل أنا الناس وأعطيك الجواب إن شاء الله تعالى. ليس موجود. دونك إن شاء الله تعالى je répondrai à cette question après que je demande à certains يعني إخوة qui vivent là-bas إن شاء الله تعالى je te donnerai la réponse ou bien je demanderai à un عالم إن شاء الله تعالى je te donnerai la réponse. تفضل أخونا أبي بن كعب تفضل بارك الله. تفضل الأخ أبي بن كعب بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم en ce qui concerne السلام. السلام عليكم. Je voudrais demander un passeport pour le mariage après le mariage. Voilà. Est-ce que tu m'entends, Akhi? Ma fille saute. Ou l'hin, fais saute. Jazakallah khair. En ce qui concerne ta question, Akhi Oubay, tu dois savoir, Inch'Allah ta'ala, tu dois savoir que la hijra, se divise en deux parties. Une hijra, des fois elle est obligatoire, et des fois elle est seulement mustahabba. Quand c'est obligatoire, ça veut dire tu dois la faire, sinon tu as des hitmes et des péchés. Quand elle est seulement mustahaba, ça veut dire si tu l'as fait, tu as un ajr, si tu l'as fait pas, tu n'as rien. أول بد أن نعلم إن شاء الله تعالى أن الهجرة تنقسم إلى قسمين كما يقول كبار العلماء. أولا تكون واجبة وتارة تكون مستحبة فقط. فإذا في الحال التي تكون فيه واجبة فمن تركها فهو آثم، من تركها مع القدرة. وفي الحال التي تكون فقط مستحبة فمن فعل فهو مأجور، ومن تركها فليس عليه شيء. تكون واجبة الهجرة est obligatoire et si on la fait pas c'est un péché. Quand est-ce? Quand on est dans un pays où on sait qu'on ne peut pas faire ce que Allah Azzawajal nous a obligé de faire. Tu ne peux pas prier, tu ne peux pas faire le Qur'an, tu ne peux pas faire le Hajj, tu ne peux pas faire quand tu ne peux pas faire ce que Allah Azzawajal t'a demandé de faire, ou bien tu te sens poussé à faire les péchés, là ça devient obligatoire. La hijra devient obligatoire. Pourquoi? Parce que quand tu es dans un pays où tu ne peux pas faire ce que Allah Azzawajal t'a demandé de faire, ou bien tu te sens obligé de faire ce que Allah Azzawajal t'as demandé de ne pas faire. Yani tu fais le haram. Voilà, tu es obligé de le faire. Pourquoi? Dans ce cas, la hijra devient obligatoire. Et elle n'est pas obligatoire quand tu es dans un pays où yani on te laisse faire ce que l'a ordonné. Mais malgré cela, il y a des choses qui te gênent. Il y a des choses, tu vois avec tes yeux le haram et tu entends des choses que l'Azhar n'aime pas, etc. Là, il est de préférence de sortir. Pourquoi? Parce que être avec les musulmans et être avec les croyants, c'est toujours bien et c'est toujours mieux que d'être avec d'autres gens qui ne croient pas en Allah. Déjà, le fait seulement yani, de les côtoyer, etc., on commence à natta'assar bihim. Yani, à force de voir le manquer et le péché, on commence à s'habituer jusqu'au point où nos cœurs vont mourir. Ensuite on va dire que c'est pas un péché. Pourquoi? À force de voir le péché. Prenez quelqu'un par exemple qui vit en Arabie Saoudite, vous le posez par exemple en plein Londres ou là en plein Paris ou là, il peut pas rester par exemple une demi-heure. Mais quelqu'un qui vit par exemple là-bas, il est tout le temps en France par exemple, tout le temps, il voit par exemple une fille à moitié nue, ça lui paraît normal. Pourquoi? À force de vivre avec les gens qui yani, font des péchés, etc., nos cœurs meurent petit à petit. Mais Cheikh l'Islam, alayhi rahmatullah, voilà, il a pris l'habitude. Mais Cheikh l'Islam, alayhi rahmatullah, a dit, si quelqu'un vit dans un pays de Kof, par exemple, et que là-bas, il fait vraiment ce qu'il ne fait pas dans un pays musulman. Par exemple, il fait la da'wa aux gens, il leur apprend le din, il n'y a personne qui leur apprend sauf lui, etc. Cheikh l'Islam a dit, s'il reste là-bas, c'est mieux que qu'il aille dans un pays musulman. Ça, c'est موجود dans le majmou' al-fatawa, et j'ai même le numéro de la page et du tome. Si quelqu'un on a vraiment besoin de lui dans un pays de Kof et qu'il fait la da'wa, il montre aux gens, etc., et qu'il sait s'il va dans son pays, il va dormir, celui-là il reste dans ce pays, c'est mieux par rapport à lui. Mais comme vous remarquez, c'est pas par rapport à n'importe qui, par rapport à quelqu'un qui a un grand devoir et qui joue un grand rôle dans ce pays. C'est pour ça. Maintenant, toi, tu vois où tu es, Akhouna Oubay ibn Ka'b. Tu vois toi où tu es, et tu vois toi, est-ce que, par rapport à toi, est-ce qu'elle est obligatoire, ou bien est-ce qu'elle est mustahaba. Ensuite, tu fais la différence, tu fais comparaison entre ça et le mariage. Le mariage, parfois, c'est une obligation, parfois, ce n'est pas une obligation, parfois même c'est haram de se marier. Parfois c'est makruh. Ça tourne avec les cinq, le mariage, parfois il est obligé, on est obligé de le faire, parfois il est haram, parfois il est makruh, parfois il est mustahab, parfois il est mubah. Quand est-ce qu'il est obligé? Non, par exemple, le mariage est haram, je te donne par exemple quand est-ce qu'il est haram le mariage. Tu sais que par exemple, tu peux pas faire ce qu'on fait avec une femme et tu dis moi je vais me marier avec la femme, tu vas la faire souffrir. Ou par exemple tu n'as pas pour lui faire manger, tu n'as rien et tu dis moi je vais me marier, attends un peu que tu aies un peu d'argent, attends un peu que tu ne sois pas malade, etc. Là tu vas te marier. Et parfois le mariage est obligatoire quand tu sais par exemple que si tu ne vas pas te marier tu vas faire la zina, tu vas faire la fornication, là tu es obligé de te marier, sinon pourquoi, sinon tu vas faire le haram. Et c'est pour ça par exemple que Cheikh Islam ne se mariait, pourquoi, parce que il avait d'autres choses plus obligatoires que le mariage et parce qu'il se retenait très bien. Quand on se retient très bien, là il vaut mieux qu'on commence par la hijra. Mais même si dans un pays de kafir tu ne peux quand même pas être ton dîn, et c'est quand même une obligation, bien sûr, si tu veux, même si dans un pays de kafir tu peux quand même prendre. J'ai dit que peut-être tu m'as pas bien compris, Oubay. Tu m'as pas bien compris. Les ulama ont dit que la hijra ça se divise en deux grandes parties. Des fois elle est obligatoire et des fois elle n'est pas obligatoire. Elle est obligatoire quand quoi? Quand on peut pas faire son din, ni salat, ni rien, c'est tout interdit. Là, elle devient obligatoire à 100%. Mais quand on peut faire son din et qu'il reste quand même le haram, beaucoup de haram dans la vision, dans les gens avec qu'on côtoie, etc. Là, de préférence, on fait la hijra. On la fait de préférence. Donc, dans tous les cas, il est préférable de faire la hijra. Dans tous les cas. Mais des fois, comme j'ai dit, si tu la fais pas, tu as un grand péché. Et dans l'autre cas, deuxième cas, c'est pas la même chose. Pourquoi? Mais dans tous les cas, faire la hijra, c'est mieux. Sortir du beled kofrada. Parce que, surtout en ces moments où, yani, les fitnes sont beaucoup plus grandes. Les fitnes sont beaucoup plus grandes. Et chaque jour, il y a une nouvelle fitna. Et quand on est avec dans un pays de coffre, on ne sait pas, d'un instant à un autre, on peut tout lâcher. Mais quand on est dans un pays musulman, on est avec des frères musulmans, nos frères, on est avec des salafistes, on est avec, yani, toujours, ça nous ajoute de la foi. Ça nous ajoute, on veut faire encore plus de prières. Pourquoi? Parce qu'on trouve quelque chose, yani, dans notre cœur, qui nous pousse à faire, etc. Donc c'est pour ça que, si quelqu'un peut sortir de ce pays, d'un pays de coffre, qu'il commence avec ça, Inch'Allah Ta'ala, je crois. Ensuite, Allah Ta'ala là-bas le fera marier et lui donnera tout ce qu'il veut. Qu'il convient de dire qu'Allah, et j'allahu makhrajan, wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Ça, j'ai pas compris ce que tu veux dire. Les bonnes actions sont pas suspendues pendant qu'on a bien. Non, elles sont pas suspendues. Pourquoi elles sont suspendues? Quelqu'un qui est dans un pays de coffre, il fait dans son cœur, il fait l'intention de quitter le pays de coffre à la première occasion. Quand il a l'occasion dans son cœur, tout ce qu'il fait n'est pas annulé. Jamais il n'est annulé. Jamais il n'est annulé. Pourquoi? Parce que toi tu veux faire et que tu n'as pas encore eu l'occasion. Ça n'a rien à voir avec l'annulation. Ça n'a rien à voir. Aucun alim que je sache n'a dit que s'il reste, ça, il est annulé. Mais s'il reste pour faire des péchés, s'il reste et qu'il fait des péchés, il a l'argent pour sortir, il a le passeport, il a tous les moyens, il dit non, moi je préfère ce pays, j'aime les kofars, ils ont yani, la vie avec eux est bien, etc. Je reste parce qu'il y a bien à manger ici, on profite, on s'amuse, on va, etc. Là, s'il meurt, c'est quelque chose, il a fait un grand péché. Mais à chaque fois qu'il a l'intention, il essaye, il n'a pas l'argent, il ne peut pas, ses actions sont justes et vraies, Inch'Allah Ta'ala. Tu as vu ça dans un hadith, peut-être, mais peut-être tu n'as pas bien compris le hadith, ou bien peut-être le hadith n'est pas authentique. Lakin, apporte-nous le hadith, Inch'Allah Ta'ala, ou Jazakallahu Khairan. Ou a'ti al-kalima ila akhi, Inch'Allah Ta'ala, ila akhi, haqqab. Akhi, haqqab, avant de t'enlever le point rouge, Jazakallahu Khairan, yani, ton pseudo est un peu difficile à prononcer. Haqqab. D'ailleurs, on ne sait même pas. Yani, quel sens ça? Est-ce que tu peux nous dire, yani, quel est son sens, hatta, yani, on le prononce bien? Je ne peux même pas le prononcer. Et si ça n'a pas de sens, Allah Ta'ala, si tu le changes, Inch'Allah Ta'ala, ce sera afdal. Wa akhi Ubay, jazakallahu khair, wa barakallahu fik. Atfadal, akhi Haqqab. يكتب حكيم كبران سلم حكيم قبران. السلام عليكم حكيم قبران. نعم حكيم قبران جزاك الله خير والله. لكن tu as écrit quelque chose difficile, tu avais dit حكيم كب ممكن حكيم كب, لكن حق كب هذا يا دو كا كي سو سويف دو كا كي سويف دو كا à la fin de حق لو كا au début de كب. c'est pour ça c'était un peu difficile. السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله. comment doit-on se comporter lorsqu'ils savent divers sur l'authentification des hadiths, doit-on le pratiquer ou pas? Avant d'oublier, صح جزاك الله خير, je vais te répondre. avant d'oublier, je crois que Ubay m'avait aussi posé la question en ce qui concerne mettre la main sur le torse après avoir dit Allahu Akbar, après avoir dit Sami Allah liman hamida, est-ce qu'on met la main sur la torse ou on la met pas? Naam, je crois que tu m'avais posé cette question. Khalin chouf chouy el fouk, si c'est vrai ou là, je sais pas où j'ai lu ça. Naam. Bon, Khalina, je crois que la question elle existe, je ne l'ai pas tirée de ma tête. Bon. Tfadal, Akhi Farid. Akhi Farid, mada turid? Turid un tekstub un tetekellem? Naam, rak rafi yedek. Tfadal, tkellem, Akhi Farid. أخي فريد تفضل جزاك الله خيرا تفضل, لأنه الأخ ينتظر في الإجابة. الأخ حكيم, الأخ حكيم سأجيبك بعد دقيقة, انتظر جزاك الله خيرا. ممكن أخي فريد عنده شيء, تفضل الأخ فريد. أخي حكيم تسمعوني؟ أخي حكيم هل تسمعوني؟ أخي حكيم هل تسمعوني؟ حتى نشوف إذا فريد ما عندهش صوت ولا كلهم ما عندهم صوت. طيب إذا ممكن مشكلة عند فريد فقط, مشكلة عند فريد فقط. En ce qui concerne mettre la main, ce que je sais moi et ce dont je suis convaincu, c'est quand on dit سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد, on ne met pas la main sur le torse. Moi je suis convaincu par ce qu'a dit Cheikh Al-Albani, et puisque en même temps je respecte ce qu'a dit Cheikh Ibn Baz al-Rahmatullah, donc si je vois quelqu'un mettre les mains sur le torse, je lui dis pas pourquoi tu as mis les mains, mais moi je mets pas la main, et moi et mes enfants on met pas la main. Pourquoi? Parce que moi je suis responsable seulement de ma femme et de mes enfants. Cheikh Ibn Al-Albani al-Rahmatullah a dit, j'ai cherché dans tous les hadiths, je n'ai trouvé aucun sahabi ou là qui a mis la main sur son torse. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il urinait, on notait son urine. Il a dit, comment se fait-il que il mettait les mains sur son torse et on l'a trouvé dans aucun compagnon, aucun tabi'i. Et Cheikh Ibn Baz, rahmatullah, puisque c'est un grand savant, moi je respecte ce qu'il a dit, mais moi je ne mets pas ma main sur mon torse. Et vous êtes le, vous lisez ce qu'on dit les deux, et vous mettez et vous priez d'après la chose dont vous êtes convaincu. Quand tu mets وضع اليدين على الصدر بعد القيام بعد قولك سمع الله لمن حمده الذي انا به مقتنع ان الانسان يسدل يده ولا يضعهما على صدره, لانه انا مقتنع بقول الشيخ الالباني عليه رحمه الله, وهو كما قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم يبعد أن يكون وضع يديه على صدره ثم لا أحد ينقل ذلك, لا أحد, مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينقل عنه كيف يبول وكيف يتغوط وكيف يقبل وكيف ينام وكيف يفعل مع الزوج, كل شيء ينقل. وهذه الصلاة أمر تعم به البلوى, ثم لا أحد من صحابة أبدا ولا من تابعين ينقل أبدا في كتاب أنه كان يضع يديه على صدره. مع هذا أنا أحترم قول العلامة ابن باز عليه رحمة الله, ولهذا إذا رأيت أنا أحدا يضع يديه لا أنهاه أبدا ولا أقول له لماذا تضع يديك على صدرك, إنما فقط لا أفعل أنا هذا لا أفعله لأني لست مقتنعا به ولا يفعله أيضا يعني عائلتي لأنهم ليسوا مقتنعين بذلك. يا أخي تريد لي فاكونسي بور لا هجرة إن شاء الله وتعالى. والله حتى الآن بور لانستون جني با أخي أوبي جني با دو ليفر والله جني با دو ليفر مي إن شاء الله تعالى جتو شيرشوري Je t'en chercherai, Inch'Allah. Pour l'instant, je n'ai aucun livre devant moi. Je sais que tous les ulama disent, celui qui peut faire la hijra, qu'il la fasse. Qu'il la fasse, parce qu'il ne sait pas ce qui va se passer d'ici demain. Peut-être qu'il va mourir dans ce pays. De préférence, il meurt dans un pays de musulmans. Mais si, Inch'Allah, ta'ala, je trouve un livre, Inch'Allah, ta'ala, je t'en ferai part. Fadlal, khouna Abu Talib. Fadlal, jazakallah khair. عفوا أبو طالب جزاك الله خيرا. تذكرت أني لم أجب أخانا حكيم. لحظة جزاك الله خيرا. En ce qui concerne mon frère Hakim, pardon, j'ai oublié de te répondre. Voilà ta question dit, comment doit-on se comporter lorsque les savants divergent sur l'authentification des hadiths? Doit-on le pratiquer ou pas le pratiquer? Chauf جزاك الله خيرا. Si tu as يعني, le ilm nécessaire pour savoir, yani, par exemple, celui-là a dit un hadith faible, celui-là a dit un hadith fort et juste, celui-là il a dit non, c'est un hadith faible. Si tu as le savoir nécessaire qui te permet de voir quelle est la cause, par exemple, celui-là a dit un hadith daif à cause de X, par exemple, celui-là, par exemple, je donne un exemple. هذاك دون مكتبة الحرقة واسمه هذاك ابن لهيعة par exemple celui-là a dit c'est un hadith faible à cause de il y a dans ce hadith quelqu'un qui s'appelle ابن لهيعة et l'autre dit non c'est un hadith صحيح parce que ابن لهيعة صوت. نطلبوا منك إن يطلبك السماح أخي إبراهيم لكن je peux poser ma question. En ce qui concerne le fait de laisser passer les gens qui sont sur notre droite. Est-ce une sunna? Il y a dit de laisser passer les personnes de la droite. Y a-t-il un délit, un hadith dessus? Y a-t-il un délit? Barakallahu fik. Vous faites mes choses, mais j'ai dit un petit stay out. هل في صوت؟ نعم يا شيخ هل تسمعني؟ الحمد لله. نعم سؤال نعود إن شاء الله. En ce qui concerne le fait de laisser passer les gens qui sont sur notre droite pour passer une porte, yani est-ce une sunna? Y a-t-il un dalil dessus? Yani un hadith par rapport à ça? Sur le fait de passer les gens, laisser passer les gens en priorité, ceux qui sont sur notre droite. Ou Fimei Hos Lejra? Hadith Yaqulu Ma'ad Rasulullah alayhi salatu wa salam. Je me désengage totalement, me désengage totalement de ceux qui vivent ou meurent en pays de mécréance, sauf sur trois cas. Il y en a celui qui fait talab al-ilm, qui va étudier une science qu'il n'y a pas dans les autres pays musulmans, qui va se guérir, yani le shifa, ou celui qui da'i ou da'wa. Le hadith est là, inshallah, on en donne les sahih, ou je voudrais inshallah savoir où il est, dans quel livre je peux le trouver, inshallah. Hayakallahu bayak, shafakallah, amin. Assalamu alaikum. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا. فيه صوت أخي أبو طالب؟ فيه صوت؟ شوف إذا فيه صوت. نعم. En ce qui concerne le hadith هذا والله يعني celui qui a dit ce hadith il a dit une partie, la première partie elle est vraie, c'est un hadith vrai, la deuxième c'est pas vrai, c'est pas le prophète عليه الصلاة والسلام qui a dit ça. Le prophète عليه الصلاة والسلام a dit la première partie, c'est-à-dire celui qui vit entre les mécréants, etc. Je me désengage de lui. Mais il n'a pas dit sauf s'il va pour talab al-ilm, ou s'il va pour la science, ou s'il va pour guérir, etc. Ça, ce sont les ulama qui ont dit ça. Attention, il ne faut pas yani, mélanger le hadith. Le hadith a dit faqat, je me désengage de celui qui vit dans un pays de coffre, etc. Mais il n'a pas dit excepté les trois. Les trois ados acceptés, ils ont accepté par les ulama et non pas par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et comme je disais que quelqu'un qui vit dans un pays de coffre, il faut qu'il fasse l'intention de quitter le pays. Tant qu'il a l'intention et qu'il guette l'attention pour quitter, il est inshallah ta'ala fait ta'atillah subhanahu wa ta'ala. Mais le péché il est où? Quand on reste là-bas et on n'a pas l'intention de partir et on dit je vais rester là jusqu'à ce que je meure, il a les moyens, il a tout et il ne veut pas quitter. Mais quand on parle de quelqu'un qui n'a pas les moyens ou qui ne peut pas ou n'a pas de passeport, ou là, bien sûr, il fait l'intention dans le cœur. Ensuite, il essaye par tous les moyens de quitter à la première occasion, comme j'ai dit. Fimeros liyamin, الذي أعرف أن وردت أحاديث صحيحة في مثلا أن الإنسان مثلا إذا أعطى الإنسان مثلا يشرب الماء يعطي دائما على اليمين. لكن وردت أحاديث أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدم الكبير كما في السواك. قال كبر يعني أعطي السواك إلى الكبير وليس إلى اليمين. ولهذا شيخ الإسلام ابن حجر العسقلاني على رحمة الله ذكر في الفتح أنه يجمع بين هذين النصين مثلا أنهم إذا كانوا جالسين ومترتبين يبدأ باليمين اليمين الأيمن فالأيمن، وإذا كانوا مثلا قائمين هكذا غير مترتبين يبدأ بالأكبر وليس باليمين. إذن أنا لا أعرف دليلا هكذا دليلا يعني أنه بالضبط فيما يخص إدخال الإنسان أنه يبدأ باليمين، لا أعرف دليلا إلا أن يمشي يعني على الحديث العام أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب التيمم في كل شيء، أو يمشي على الآداب، مثلا أنت ترى أحدا كبيرا مثلا كبيرا فتستحي منه تقول له مثلا تفضل، لكن لا أعرف حديثا صحيحا أنه في الباب يبدأ باليمين. En ce qui concerne la droite, le prophète عليه الصلاة والسلام aimait la droite et aimait faire toutes choses avec la droite, sauf bien sûr si c'était quelque chose de, par exemple, quelque chose par exemple comme uriner, etc. Il y a un hadith sahih où le prophète عليه الصلاة والسلام a bu de l'eau, ensuite il y avait à sa droite un petit, un jeune, et à sa gauche quelqu'un d'âgé. Il a voulu donner l'eau à celui de sa gauche, mais il a demandé à celui de la droite, au jeune, est-ce que tu permets que je donne au vieux qui est à ma gauche? Le jeune n'a pas permis, bien sûr. Pourquoi? Il voulait mettre ses lèvres sur l'endroit où le prophète alayhi sallam a mis ses lèvres, donc il a donné au jeune. Donc, et il y a un autre hadith où le prophète alayhi sallam a commencé, il a donné le siwak à quelqu'un, ou bien il a ordonné de donner le siwak à quelqu'un d'âgé, pourtant il n'était pas à la droite. Il a dit Kabir, Kabir, donne aux plus âgés, donne aux plus âgés. Donc les ulama ont dit, quand on est assis comme ça, on est bien organisé, on commence toujours par la droite. Et si on est comme ça, par exemple, debout, on peut commencer par quelqu'un qui est plus âgé, on ne commence pas par la droite. Pourquoi? On est comme ça debout, on n'est pas assis, on n'est pas yani, ordonné, bien yani, ordonné. Donc je dis en général que, en ce qui concerne faire rentrer, laisser celui qui est à droite rentrer le premier, je ne connais pas un hadith en ce sens qui dit qu'on est obligé qu'on laisse celui de droite rentrer. Je ne connais pas ce hadith. Mais si on le laisse, on marche avec yani, le global, le hadith global où le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam faisait toujours yani, passer celui qui est à droite. Si on le laisse, inshallah ta'ala, je ne crois pas que ce soit une bid'a. Et on peut aussi, par exemple, avec les bonnes manières, le bon comportement, etc., on peut commencer par exemple par quelqu'un d'âgé. Tu as quelqu'un par exemple d'âgé devant toi et toi yani, tu lui dis tfadl, commence avant moi. Yani inchallah ta'ala da jaiz wa da min tawqir yani min tawqir al kibar yani al musinnin hada min ghayri shak anna lahu inchallah ta'ala asd fi din ala jihat al umum wallahu ta'ala alam. Akhi Farid, turid an taqul shay'an tafadl. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في صوت؟ هل في صوت؟ يدي صوت؟ الحمد لله رب العالمين. لا بس يا الشيخ أبا عبد الله ابن تيمية، كنت قبل سؤالين أو ثلاثة أسئلة في قضية الحديث الذي ورد فيه لذكره الأخ بالمعنى أن الأعمال غير مقبولة أو كذا. هناك حديث لعلك طلعت عليها وعلمته في سنن النسائي وصحه الألباني رحمه الله في سلسلة صحيحة، وأظن في المجلد الثاني، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال كل المسلم على المسلم حرام، أخوان نصيران، إن الله لا يقبل عمل مشرك بعد أن أسلم أو يفارق المشركين إلى المسلمين. إن الله لا يقبل عمل مشرك بعدما أسلم أو بمعنى حتى كما قال الشيخ أو يفارق المشركين إلى المسلمين. هذا الحديث أظن الذي يقصده الأخ. قلت في حديث لا que le frère qui a posé la question c'est ce hadith là. هذا الحديث صححه الشيخ الألباني أيضا وهو الشيخ الألباني صحيح. وقد سألنا بعض الشيوخ رحمهم الله عن هذا الحديث وعن معنى هذا الحديث، وبعضهم ذكروا لنا أن هذا للوعيد، وبعضهم قال وأظن الشيخ ربيع كأنه قال سأدرس سند هذا الحديث، وقال مثل ما قلت أنت الشيخ، قال أنه الأعمال تكون مقبولة إلا إذا كان فيه كفر أو شرك وكذا وكذا، ولكن الحديث عند الشيخ الألباني راجعه في النسائي وفي سلسلة صحيحة. هذا هو اللي حبيت نذكر لك، وما أدري عندك خلفية أو مطالعة عن واطلعت على الحديث هذا وعلمته، والله أعلم. تفضل يا شيخ، بسم الله. نعم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاك الله خيرا. نعم، هذا الحديث ما حضرني، صح ما حضرني، انا قرات سلسله صحيحه، عفوا قرات ما ادري ما ذكرت انت الجمع الصحيح ولا، انا قرات الاثنين هذو قراتهم، ولكن ما حضرني الحديث الحين، ما حضرني، لكن جزاك الله خير خيرا انك ذكرتني به، لان عقلي كان يذهب الى حديث اخر، لكن ذكرتني به. نعم، وهذا الحديث كما لا يخفى عليك لابد ان يجمع مع النصوص الاخرى، نعم، مع الاحاديث الاخرى ومع النصوص الاخرى، والتي من ضمنها انه لا تكليف الا بمقدور، وانه لا حرام مع القاعده، لا حرام مع ماذا؟ مع العجز. فان هذا الحديث قد ينطبق، انا لم اقرا شرحه، نعم، لكن اقول قد ينطبق على غير المعذور، ان الانسان جالس في بلدهم يعني هكذا فرحان ولا يبالي، قد ينطبق عليه الحديث. انما نتكلم عن انسان لا يستطيع، او يعني لم تسمح له الظروف، او ليس مثلا عنده فلوس طائرة، او ليس عنده جواز سفر، او لكن اذا كانت موجودة النية في قلبه فهذا قد يعني على الاقل قد فعل احد الواجبين. اول واجب هو النية، والواجب الثاني هو التطبيق. اما الذي كما قلت انت يبقى هكذا يعني وهو مرتاح في بلدهم وفرحان بما عندهم، فهذا من غير شك والله تعالى أعلم أنه ينطبق عليه الحديث، والله تعالى أعلم. تفضل أخي إبراهيم، جزاك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في صوت؟ نعم. J'ai deux questions. Je peux poser les deux questions, mon cher ? Ou une par une. Barakallahu fik. Awalan. Une sœur demande si la femme peut rester avec un homme qui ne prie presque pas, mais avec des enfants de 14 à 10 ans. Mais c'est un couple. Cette femme, elle a un mari qui ne prie presque pas, mais ils ont des enfants de 14 et 10 ans. Elle veut savoir si elle peut rester encore avec cet homme. Deuxième masala. Une sœur, elle demande, lorsque elle est en état de janaba et qu'elle se purifie sans faire les ablutions, et qu'elle se purifie sans faire les ablutions, et que son lavage de purification sert comme ablution pour prier la salat. Barakallahu fik. Je répète la même question. C'est une sœur, elle dit quand elle est en état de janaba et que quand elle se purifie et quand elle se replie sans faire les ablutions, est-ce que son lavage de purification sert comme ablution pour prier sa salat? Barakallahu fik. Wa alaykoum salam wa rahmatoullah wa barakatuh. الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم. Moi je vais essayer de répondre seulement en français. S'il y a des gens qui ne comprennent pas le français, ils écrivent par exemple à Abu Talib Oula, ils écrivent AR. S'ils écrivent AR, toi Abu Talib Oula Ibrahim Oula, tu m'écris AR, comme ça je sais qu'il faut que je traduise en arabe. قلت أنا إن شاء الله تعالى سأجيب عن هذين سؤالين باللغة الفرنسية. لكن إذا لأنه يغلب على ظني أن أكثرهم لا يفهمون الفرنسية، لكن إذا كان فيه بين الإخوة والأخوات من لا يفهم إلا العربية فإنه يكتب إلى الأخ أبو طالب يقول له يكتب له عربي ولا آر حتى أفهم انه لابد ان اترجم الى اللغه العربيه. طالما الاخ ابو طالب ما يكتب ليش ما يقول ليش اكتب عربي، يعني انا افهم انه كل ان الكل ان شاء الله تعالى يفهم الفرنسي، والله تعالى اعلم. لكن دعني افكر دقيقه في السؤال الاول، ما هو نسيته السؤال الاول نسيته، لحظه اسال هنا، والله نسيت السؤال الاول. اجيبك عن الثاني، je te réponds à la deuxième question parce que j'ai oublié le la première question de quoi elle parlait. Bon, je vais essayer de me rappeler la première. J'écris la première. Écris-moi seulement un mot sur la première. Écris-moi un mot sur la première. C'est quoi la première question? Seulement un ou deux mots, je vais me rappeler. La deuxième, je me rappelle sur la Janaba, mais la première, j'ai oublié. Écris-moi un mot sur la première. Maria, jazakallahu khairan, naam. Quand une femme est mariée avec un homme qui ne prie pas, attention, il y a qui ne prie pas, naam. Il y a qui ne prie pas et il y a qui ne prie presque pas. Il y a une différence. Qui ne prie pas et qui ne prie presque pas. S'il ne prie presque pas, ça veut dire qu'il fait quelques prières, il lâche quelques prières, il fait quelques prières. Avec celui-là, elle essaie de patienter, inshallah ta'ala. Et elle fait des doigts à Allah subhanahu wa ta'ala la nuit quand tout le monde dort. Elle se lève quand Allah azza wa jal descend au ciel, ciel du bas monde, et elle fait des doigts. Peut-être que Allah azza wa jal lui exaucera ses doigts et il commencera à ne pas lâcher les prières d'un côté. De l'autre côté, elle essaie toujours de lui parler et de lui faire peur par Allah. Taqillah, taqillah, ce que tu fais c'est haram, il faut que tu fasses la prière tout le temps, ne pas faire une seule prière c'est quelque chose de grave, et puis si tu meurs, etc. Elle essaie toujours et elle patiente le maximum avec lui à cause des enfants, etc. Elle patiente le maximum. Mais s'il lâche toute la prière, ou bien deuxième cas, si c'est quelqu'un qui ne fait jamais la prière, celui-là de préférence elle ne reste pas avec lui. De préférence elle fait venir quelques membres de sa famille à elle et de sa famille à lui, et elle leur dit voilà le cas, etc. Et eux ils essayent de lui dire fais la prière, ils essayent, etc. Ils lui donnent même peut-être un certain temps, un mois, etc. Ensuite s'il n'y a rien, qu'est-ce qu'ils font? Ils se séparent. Elle demande, elle, la séparation, ou bien elle demande le divorce, parce qu'il y a la séparation par fisr, et il y a le divorce. Et elle demande le divorce. Même les gens qui viennent de sa famille à elle et de sa famille à lui pour essayer de solhada, Cheikh Ibn Uthaymeen a dit, eux, ils font ce qu'ils veulent. S'ils disent on la sépare, ils la séparent. Même sans l'avis de son mari. Même sans l'avis de son mari, Cheikh Ibn Uthaymeen dit, sans l'avis de son mari, ils disent voilà, cette femme, on doit la séparer. Classe, on la sépare de son mari. Même si lui, il ne veut pas. Parce que rester avec quelqu'un qui ne prie pas, c'est vraiment une catastrophe. Surtout s'il ne fait pas toutes les prières. Ou s'il ne fait pas jamais de prières. Celui-là, c'est une catastrophe. Et beaucoup de ulama, Cheikh l'Islam et beaucoup d'autres disent, elle a le droit de se séparer de lui, parce que certains, comme vous voulez, et la plupart disent c'est un kafir, même si ce n'est pas un kafir, c'est quelqu'un. Est-ce qu'en ce qui concerne la deuxième question, quand une sœur fait les lavages majeurs, la grande ablution, la sunna, on parle d'abord de la sunna, on parle ensuite de ce qui peut se faire. La sunna, c'est qu'elle commence par les petites ablutions. La sunna, elle commence par les petites ablutions, elle laisse seulement ses pieds. Elle laisse ses pieds, elle ne les fait pas. Elle s'arrête ses oreilles, ses cheveux, et elle s'arrête. Ensuite, elle fait les grandes ablutions, le lavage majeur, et elle termine avec ses pieds. Elle termine avec ses pieds, ça veut dire avec les petites ablutions, elle termine les pieds qu'elle n'avait pas fait quand elle avait commencé les grandes ablutions. Voilà la vraie sunna, si tu veux faire comme faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, si tu veux faire seulement les grandes ablutions sans faire les petites, c'est permis. Mais n'oublie pas une chose, n'oublie pas qu'en faisant les grandes ablutions, tu dois faire ta bouche trois fois et ton nez trois fois. Faut pas oublier cela. quand tu fais les grandes ablutions sans les petites, n'oublie pas de faire ta bouche trois fois et ton nez trois fois. L'indiraj al-asghar, taht al-akbar ou l'adna taht al-a'na, taht al-a'la afoun. En ce qui concerne le côté droit, le côté, ensuite le côté gauche, ça aussi c'est une sunna. Si tu fais ça, tu as un ajr. Si tu le fais pas, tu jettes seulement d'en haut en bas sans faire la droite et la gauche, c'est possible. C'est possible et tu auras moins de bienfaits que celui qui fait la droite et la gauche parce qu'il aura fait une sunna. Il aura bien sûr beaucoup plus de ajr que celui qui ne fera pas ça. Donc n'oublie pas que si tu fais seulement le grand, les grandes ablutions, n'oublie pas la bouche trois fois et le nez trois fois. Wallahu ta'ala alam. Tafadhal akhuna Bilal. Et avant de donner la parole à Bilal, je dis qu'inchallah ta'ala, après Bilal c'est Abu Talib, après Abu Talib c'est Abu Ishaq, et après Abu Ishaq c'est le lit. Après Abu Ishaq c'est le lit inchallah ta'ala, parce que le temps il est déjà un peu tard. On se rencontrera inchallah ta'ala demain en ce qui concerne le dars ta'al fiqh. Tafadhal inchallah ta'ala Bilal. نعم أخونا من صاحب السؤال أخونا بلال سلفي puisque tu as écrit en français inchallah tu comprends français puisque tu as écrit en français. نعم toi كما قال الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم. Moi je te dis pas lâche ton travail, ensuite tu restes comme ça en train de demander aux gens de te donner à manger à boire, mais je te dis dans ton travail اتقوا الله ما استطعت. Essaye au maximum d'être seul ou bien d'être à trois. D'être seul ou bien quand tu es avec la femme, seulement avec elle, essaye d'appeler quelqu'un ou je sais pas, soit tu cherches la solution, ou bien d'être toujours seul ou bien d'être à trois. Des fois quand tu es seulement avec elle, taqillah mastata, essaye de ne pas regarder en sa direction, essaye de dire une seconde pour aller aux toilettes, etc. Mais toujours ce sont des causes pour t'éloigner au maximum. Et dans ton cœur, n'oublie pas yani de pas dans ton cœur, n'oublie pas de faire beaucoup de doua pour que Allah Azza wa Jal te donne un travail le plus vite possible. Mais comme je t'ai dit, moi je te conseille pas tu dis ou isolé avec une femme étrangère. Une femme étrangère, moi je croyais que c'était dans une société. Maintenant je comprends que peut-être c'était dans une maison. Quand c'est dans une maison, il y a toujours une solution. C'est que quand tu vas au travail, par exemple, tu demandes à la femme, tu lui dis par exemple, c'est possible, par exemple, il faut qu'il y ait quelqu'un avec toi. Tu cherches toujours une solution. Ou bien tu lui dis par exemple, tu demandes à la femme, tu lui dis par exemple, je dois être seul à cause de ceci ou cela. Mais tu dois toujours chercher, inshallah ta'ala, une solution. Et faire beaucoup de doigts et demander à Allah Azza wa Jal qu'il te trouve un autre travail. Yani moi, je peux pas conseiller quelqu'un de lâcher son travail, mais je lui conseille d'être au maximum pieux, ittaqillah Azza wa Jal mastata, de chercher toujours une solution, yani partielle, yani faire rentrer quelqu'un avec soi, demander à quelqu'un d'être le troisième, etc. Et demander à Allah Azza wa Jal qu'il te trouve, inshallah ta'ala, un travail qui te... où il n'y a pas, inshallah ta'ala, de péché. Wallahu ta'ala alam. Tafadhal akhi Abu. Bon, t'es pas fait ça. Alhamdulillah. Une sœur pose la question suivante. Elle a un bébé avec un homme qui ne fait pas la salat et qui retarde sa volonté d'être unie sous un acte shérai. Que pouvez-vous lui conseiller, car elle veut une situation légitime envers Allah. Yani, hatta taqul anna ta'mal 'aqd shérai. Naam. portes, elle, elle a, donc elle pose la question suivante. Elle a un enfant avec un homme qui ne fait pas la salat. Talaq salat. Yani wala yusalli wala yu'mil la salat. Ne fait pas la salat et qui retarde sa volonté d'être uni sous un acte salat. Que pouvez-vous lui conseiller, car elle veut légitimer sa situation envers Allah. Yani elle veut faire un acte salat, mais lui il repousse à chaque fois. À chaque fois il repousse. Il dit plus tard. Yani il s'écarte de ça. Yani il repousse à chaque fois. Wa y a-t-il une période à respecter pour pouvoir y aller demander le talaq? Y a pour pouvoir s'il y a quelque chose, s'il y a quelque chose à faire, y a est-ce qu'il y a une période à respecter? Et est-ce qu'il y a une période de 3 mois qui est à respecter sur cela? Mais il faut le talaq salat, le zawjaha ou le rajm. Barakallahu fik. Est-ce qu'on comprend inchallah? Ta'akkad li ahad inchallah. La a'id. ضمني مفهوم شاء الله تفضل بارك الله فيك حياك الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخي أبو طالب j'ai compris le début la fin seulement au milieu j'ai pas compris parce que il y avait pas de son il y avait هكذا brouillement هكذا خرج فهمت خرخيش كبير لم أفهم شيئا j'ai compris que j'ai compris qu'elle est mariée avec quelqu'un qui fait pas la salat et ensuite j'ai pas compris. À la fin j'ai compris que elle veut se séparer. Ensuite j'ai pas compris légitimer le mariage. Yani elle a fait le mariage seulement avec yani Fatha ou là comment ça? Qu'est-ce que ça veut dire légitimer le mariage? Yani elle va à la mairie etc. ou là elle a fait le mariage sans les deux témoins? Comment ça? Hadi, j'ai pas compris. C'est très important. Hadi, c'est très important. Barakallahu fik. تفضل أبو إسحاق. تفضل حتى أسمع آخر سؤال جزاك الله خير. طالما أرجع إلى الأخ أبو طالب. تفضل أبو إسحاق جزاك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصوت عندكم يا إخوان؟ حياك الله يا أبا عبد الله. إن شاء الله سؤالي مختصر إن شاء الله عليكم. أعرف أن السرير ينادي. طيب. السؤال هو سؤال أحد الأخوة يسأل لا يدخل الجنة قتات وشرح هو النمام لكن يقول هل هنا أنه لا يدخل الجنة أي دخولا أبديا أما يكفر يخرج من الملة أم لا سؤال هذا هو السؤال الأخ بارك الله فيكم طيب سمعت سؤالك جيدا أخانا بيسحق إن شاء الله تعالى سأجيبك إن شاء الله مباشرة بعد أخينا أبي طالب جزاك الله خير أجيبك إن شاء الله تعالى تفضل أخونا أبو طالب ما هو السؤال تاع قبيل تفضل جزاك الله خير السلام هل في صوت؟ الحمد لله. نعم فيما يخص السؤال je vais répéter. Voilà. Une sœur pose la question suivante. Yani, elle a eu un bébé avec un homme qui ne fait pas la salat et qui retarde sa volonté d'être unie sous un acte shar'i. Yani, cet homme-là, il retarde la volonté que cette sœur, elle veut faire un acte shar'i et lui, à chaque fois, il repousse. À chaque fois, yani, ils ne sont pas mariés en fait. Actuellement, ils ne sont pas mariés. Il n'y a eu ni le mariage à la mairie, ni le mariage, yani, ni d'ahlel, comme ils appellent en France. Donc, il n'y a aucun acte ni devant Allah ni devant l'État français. Elle veut ça. Elle veut légitimer ça. C'est-à-dire que quand elle dit légitimer, c'est-à-dire elle veut une situation légitime envers Allah. Elle sait que ce qu'ils ont fait, c'est pas permis. Elle veut par rapport à ça, ta'at lillah. Et que pouvez-vous lui conseiller par rapport à ça? Et فيما يخص الطلاق, y a-t-il une période à respecter pour pouvoir le demander? Est-ce qu'il y a une période de 3 mois? Est-ce qu'il y a une période de 3 mois? فيما يخص إنسان يطلق الصلاة فما يخص يكون الرجل أو النساء. بارك الله فيك, تفضل إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. يعني أبو طالب حتى أفن جو سوا سيغ هل في لا بريير نو با مينتنون, يعني هذه أصلها يعني مسلمة صح, حتى لما يعني كانت مع هذا الإنسان يعني مسلمة صح. نعم لو كانت كافرة يعني كان الأمر أخف, لو كانت كافرة يعني الأمر أخف, يعني ما تحتاج حتى إلى عقد جديد. لكن المشكلة أنها في هذه الحال. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. En ce qui concerne cette sœur, premièrement toi tu dis comment qu'elle fait pour, est-ce que le يعني elle peut divorcer etc. à la fin de la question, est-ce qu'elle peut divorcer, est-ce qu'il y a 3 mois etc. et nous on dit est-ce qu'elle est mariée pour qu'elle puisse divorcer. هذه المشكلة, est-ce qu'elle est mariée pour qu'elle puisse divorcer. Donc elle dit elle ne s'est jamais mariée, elle ne s'est jamais mariée, d'ailleurs c'est elle qui voudrait maintenant qu'elle fasse le mariage, qu'il soit un officiel, elle voudrait qu'elle se marie. Donc celle-là, moi ce que je sais c'est que bien sûr elle n'a pas le droit de vivre avec lui, elle n'a pas le droit de vivre avec lui, parce que jusqu'à présent il n'y a pas de mariage. Jusqu'à présent il n'y a pas de mariage. Hada, maintenant normalement elle s'arrête et elle lui fait, elle y a la grande condition, elle lui fait la grande condition. Ça veut dire ou bien on va se marier, hein, ou bien on arrête. Pire que ça, je vais dire autre chose, pire que ça. Quand deux personnes, quand un couple font comme a fait cette sœur avec l'homme Hada, en principe ils n'ont pas le droit de se marier jusqu'à ce qu'il y ait un repentir. Ils n'ont pas le droit de se marier jusqu'à ce qu'il y ait un repentir, parce que disons franchement ça s'appelle la zina, zania, zani parfois, parce qu'il n'y a pas d'acte. Donc Hado لا يجوز منهما الزواج ولا يصح حتى يتوب, يعني هو يتوب توبة نصوحة وتتوب توبة نصوحة. وبعض العلماء اشترطوا الاختبار وكذا, لكن صحيح كما قال الشيخ ابن عثيمين سها ما لا يشترط هذا الاختبار هذا, لكن يشترط هي أن تتوب توبة نصوحة وهو أن يتوب توبة نصوحة ثم يرجع. دونك العلماء disent que il faut qu'il y ait des deux côtés le repentir, يعني se repentir. Pourquoi? Parce que ça, comme tout le monde doit savoir, c'est un grand péché. Ensuite après le repentir des deux personnes, ils vont quoi faire? Ils vont faire yani, le mariage officiel. Mais sans repentir, ils ne peuvent pas. Sans repentir, ils sont dans la zina. Ils sont dans la zina, ils ne peuvent pas faire. C'est pour ça que cette sœur, puisqu'elle fait la prière, etc., doit poser comme première condition pour qu'il approche la prochaine fois. Dès maintenant, il ne faut pas qu'elle soit avec lui. Mais comme première condition, il faut que tu te repentes, tu lui dis à lui, parce que toi, Zahir, Inch'Allah, tu t'es repenti. Tu dis à lui, voilà, tu dois te repentir, ou bien, dès cette seconde, chacun va de son côté. Chacun va de son côté. S'il lui a pris, il se repentit, il veut revenir, les portes sont ouvertes, et vous ferez, Inch'Allah Ta'ala, un mariage officiel. Pour les 3 mois, ça n'a rien à voir avec les 3 mois ici. Ça n'a rien à voir avec les 3 mois. Il y a un fesr et il s'arrête directement. Qu'elle soit monstrueuse ou qu'elle soit pure ou qu'elle soit enceinte, elle s'arrête directement et elle demande de repentir à cet homme et elle demande après s'il veut qu'ils font un acte. Même sans repentir, il ne peut pas faire l'acte officiel sans repentir. Pourquoi? Ils sont toujours dans la zina. Il faut qu'il y ait repentir des deux côtés. Ensuite, lui, il peut faire l'acte si elle accepte. Ou si elle n'accepte pas, elle arrête dès maintenant et ensuite elle cherche un homme, un pieux et elle se marie avec lui. Wallahu ta'ala alam. Fadallah. Pardon Abou Ishaq, smahli, je t'ai donné la parole. Je te la reprends. Tu reprendras inchallah la parole demain. Abou Ishaq. On m'avait posé la question sur le nammam. Nammam hada, vous le faites le mec qui calomniateur. Ou c'est colporteur, namima, calomnie, ou c'est colporteur. Naam, jazakallahu khairan. Le hadith, quand il a dit cela, il a dit il ne va pas rentrer au paradis celui qui parle des gens, nammam. Il va, celui-là, il lui dit X a dit cela sur toi. Ensuite, il va à l'autre, à X, il lui a dit Y a dit ça sur toi, etc. Celui-là, il y a un hadith, il dit il ne rentrera pas au paradis. Il ne rentrera pas au paradis. Et un sunnah al-jama'a, les gens de la sunnah et du consensus disent il n'ira pas au paradis dans 3 cas. S'il dit ça, c'est halal, c'est permis. Il dit faire ceci, c'est halal et c'est permis, ce n'est pas haram. Celui-là, c'est un kafir, il n'ira pas au paradis. Ou bien, ils disent le deuxième cas, il n'ira pas au paradis, ça veut dire il n'ira pas au paradis avec les premiers. Ça veut dire que tous les gens iront au paradis, etc. Et lui, il restera en dernier avec ceux qui ont fait les grands péchés. Pourquoi? Parce que lui, il n'a pas fait, et il a fait un grand péché. Parce que la calomnie, l'alcool, le vol, l'assassinat, tout ça, bien sûr, ce sont les grands péchés. Donc, ce hadith, ça veut dire, ou bien, il n'ira jamais au paradis parce qu'il a dit faire la calomnie n'est pas interdite. Hein? Le prophète a dit c'est interdit, lui il a dit il n'est pas interdit, donc celui-là c'est un kafir. Ou bien c'est un musulman, et dans ce cas il n'ira pas au paradis, ça veut dire il n'ira pas avec le premier au paradis, mais il ira avec les derniers, ça veut dire après qu'il soit rentré en enfer, etc. Ensuite il pourra par rentrer au paradis. Wallahu ta'ala alam. Voilà ce que disent les ulama dans un hadith pareil et dans tous les hadiths qui sont dans ce sens. En ce qui concerne le fils, il a le nom de son père. Le fils, il a le nom de son père et il reste chez elle. S'il est petit, il reste chez elle. C'est elle qui a le droit de Rabbeh. Pourquoi? Parce qu'elle au moins elle fait la prière, etc. Mais il est son père et il a le droit, il a le droit de il lui donne de l'argent, etc. Il travaille pour lui, etc. Nafara. Naam. Mais son fils, Inch'Allah Ta'ala, si elle se repent, son fils n'a rien à voir. Son fils peut-être s'il grandira, il sera pu, etc. Peut-être il ira avant tous les autres au paradis. Parce que son fils miskin, c'est un pauvre, il n'a rien à voir, et c'est pas lui qui a dit à son père ni à sa mère de faire ceci. Son fils, c'est d'après ce qu'il fera plus tard. Est-ce qu'il fera la prière, etc. On demande à Allah Azza wa Jal qui soit même un savant, inshallah ta'ala. Qu'il soit son père devant Allah ou qu'il ne soit pas, ça n'a rien à voir. Ici il est son père, ici il est son père, parce que c'est lui qui a été la cause pour qu'il y ait eu cet enfant. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est autre chose. Il n'y a pas eu d'acte, j'ai pas compris qu'est-ce que ça veut dire, il n'y a pas eu d'acte. Il n'a pas, je sais qu'il n'a pas. Il n'a pas. Il ne peut être son père devant Allah que celui qui vient avec l'acte. Mais celui-là, ici dans la vie, il est le fils de ce père. Ici dans la vie. Abu Ishaq, en ce qui concerne Salat Fikana, elle est permise à condition qu'il n'y ait pas de photo. Il y a un athar de Omar al-Khattab radiallahu ta'ala anhu dans ce sens. S'il n'y a pas les statues, il n'y a pas les photos. Tu peux faire la prière dans n'importe quel endroit. C'est pour ça que le prophète alayhi salatu wasalam a dit trois endroits on ne fait pas la prière. Il a dit illa al-maqbara ou al-hammam, afwan, illa al-maqbara ou al-hammam, et il n'a pas dit la kanisa. Il a dit illa al-maqbara ou al-hammam. S'il n'y a pas de photo et de statue dans la kanisa, a dit, on peut faire la prière. Il y a un athar de Omar qu'il a dit on peut faire, ou bien lui-même il a fait la prière. Allah ta'ala alam. Je donne Moubachara la question, l'avant-dernière question à Yousra, ensuite 38, ensuite Abu Salama, et on termine. Jazakum Allahu khairan, barakallahu fikum. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما مر نمو بوجون بارك الله فيك. ما مر في ماريا avec la Fatiha. Seulement le monsieur qui a fait la Fatiha en présence de plusieurs personnes n'a pas fait l'acte. Est-ce que son mariage est halal ou pas? Alhamdulillah, والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Si le monsieur هذا qui a fait l'acte هذا, qui a fait la Fatiha pardon, s'il y avait, bon, puisqu'il y avait les chouhoud, il y avait plusieurs personnes, et si c'était avec la permission du tuteur, ça veut dire le tuteur, le père de ta mère ou bien son frère, s'il n'avait pas de père ou bien son oncle, etc., était présent et qu'ils étaient au courant et qu'ils ont dit d'accord, le mariage est halal. Le mariage est halal. Les papiers, pourquoi on les fait à cause de, pour que les droits ne se perdent pas, parce qu'après il y a celui qui se marie, il peut dire moi je me suis jamais marié, je connais pas cette femme, je la connais pas, c'est pas ma femme, et celui-là c'est pas mon fils, etc. Ou bien il veut hériter, on va lui dire que ce n'est pas ta femme, tu n'as pas de papier. C'est pour ça maintenant c'est obligatoire de faire des papiers. Il n'est pas permis à quiconque, à personne, de se marier sans papier. Pourquoi? Parce que tawthiq, c'est demander, yani par Allah, Allah Azza wa Jalla a dit, si vous vendez, faites des papiers. Alors qu'en est-il de se marier, qui est plus grave? Ensuite, il y a même des problèmes. Toi, tu vas, on te dit, viens témoigner dans un mariage, ensuite, il se passe des problèmes, ensuite, le tribunal va te demander, toi, qui est-ce qui t'a dit d'être présent, et pourquoi il n'y a pas de papier, et on va te faire venir et revenir toutes les semaines, une ou deux fois. On va te casser ta tête, des années comme ça. Tu vas à chaque fois dans le tribunal parce que tu as fait l'acte, tu as fait la fatiha sans acte, et ça va te poser beaucoup de problèmes. Ensuite l'autre il dit c'est pas vrai, je connais pas celui-là, c'est pas lui qui m'a marié, je me suis jamais marié, et on entre dans des problèmes. On peut même aller en prison à cause des papiers. Je ne conseille à personne de faire la fatiha à quelqu'un s'il sait qu'ils vont pas faire l'acte civil. C'est pour ça qu'il y a certains ikhwas, même moi je fais ça. Si en Algérie, si on montre pas par exemple le livret de famille, j'aime pas faire la fatiha. Montre-moi le livret de famille, tu as déjà fait ça, tu t'es marié, ensuite moi je te fais la fatiha. C'est la chose la plus simple. Maintenant beaucoup de gens simplifient la vie. Quelqu'un connaît une femme, allez, ils vont appeler quelqu'un dans la rue ou bien qu'un ami, deux ou trois, allez, vont faire la fatiha, allez, ils se marient. C'est pas comme ça, yani, c'est facile. ensuite c'est des gros problèmes, ensuite c'est je ne reconnais pas ce mari, le mari ne reconnaît pas la femme, ensuite l'enfant n'est pas reconnu, ensuite et tous les devoirs, tous les droits se perdent. تفضل ابو سلامة تفضل ابو سلامة جزاك الله خيرا تفضل تاخرنا اليوم تفضل ابو سلامة جزاك الله خيرا اما اخي فريد المكي هذا من عادته ان يبقى الى الفجر اعرفه من عادته ما شاء الله عنده قوه هذا اما انا فشيخ كبير اعتذر اخي يسرى ولا اخت يسرى c'est quoi la question barakallahu fik écris si tu vas écrire je donne la parole à Abu Salama le temps que tu écrives inshallah ta'ala Abu Salama تفضل ممكن اذا تكلم انت يا راي تكتب ان شاء الله تعالى تفضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في صوت شيخ أنا عندي أصلا عندي لو سمحت عندي إن شاء الله ثلاث أسئلة السؤال الأول وهو أنها أخت تسأل وتقول أن زوجها ما كلما تشاجرت مع زوجها يهددها بالطلاق وأنه طلقها مرتين وطلقها أربع مرات طلاق غضبان وحياك أخي فارد المكي حياكم الله وهذا سؤال أخت وكذلك سأعيد السؤال إن شاء الله يعني هناك أخت تسأل أن زوجها يهددها كلما تشاجرت مع زوجها يهددها بالطلاق وقد طلقها أربع مرات ويقول أنها طلقها طلاق غضبان ومرات ومرتين طلاق يعني طلاق وقع والسؤال الثالث وهو كذلك سؤال لأخ يقول أن كذلك أنه يعني زوجته إذا تشاجر معها يعني تقول تطلب منه الطلاق فهل هل هل الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم قوله ثلاث جدهن جد وهزلهن جد الحديث فهل هذا يعني كلامها وطلبها يقع الطلاق فيه أم لا هذا السؤال الثاني السؤال الثالث وهو فيما يخص الإيمان بالقضاء والقدر سؤال ثالث يخص الإيمان بالقضاء والقدر وهو اللي أنا سمعت للشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله ورعاه وزاده في علمه أنه في شريطين يقول عقيدة أهل السنة والجماعة في القضاء والقدر يقول أن العمر يستطيع أن يزيد أو ينقص بحديث النبي صلى الله عليه وسلم بينها صلة الرحم أنها تزيد في العمر ويستدل بقوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب يعني يمحو وأنا سمعت كذلك قول معارض لهذا وهو قول الشيخ ربيع حفظه الله يقول أنه العمر لا يزيد ولا ينقص كما ويستدل بقوله تعالى كذلك فالآية نسيتها يقول فيها أن فإذا جاء يعني نفس أجلها لا تستأخر ساعة في معنى الآية يعني لم أتذكر الآية جيدا وجزاك الله خيرا شيخ السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته J'avais demandé l'Okht Oum Souleyman d'écrire la question, mais elle ne l'a pas écrite pour gagner du temps. Fimechos Abu Ishaq, Ntalhin Kuntaturid, Ntursila Iliya Shayan, لكن هذا الشيء ما أدري شو مكتوب فيروس كذا فيه فيروس ما فيروس ما أدري فأنا يعني ما حبيش نضغط على نعم يعني شت مكتوب فيروس ما فيروس ما فهمتش شو مكتوب نعم على هذا ما حبيتش ننزله جزاك الله خيرا فيما يخص نعم فيما يخص الأسئلة تاع أبو سلامة أقول الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم. أبو سلامة شوف أنت ماوش عندك الحين ماوش عندك الأحمر يعني تستطيع أن تكتب على الشاشة اكتب لي بارك الله فيك أجيبك بالعربية ولا بالفرنسية اختر إحدى اللغتين أبو سلامة تشوازي شتغيب أنا غب وان فرنسي pour ne pas يعني parler en deux langues بالعربية جزاك الله خيرا. فيما يخص المرأة هذه انت قلت ان لم تخني الذاكرة قلت هذا يطلقها كثيرا في حالة غضب يطلقها كثيرا في حالة غضب وقلت ايضا انه هي تطلب منه طارة يطلقها تقريبا هذا الذي اذكر وقلت شيئا ثالثا طيب انا اقول باختصار فيما يخص طلاق الغضبان فرق العلماء في طلاق الغضبان وقسموه الى ثلاثة اقسام كما يقول الشيخ بن عثيمين رحمة الله يقول اذا كان الغضب شديدا فهو يقع قولا واحدا لا يقع قولا واحدا على الاصح او على الاصح لا يقع على الاصح اذا كان الغضب غضبا شديدا لا يقع على الاصح واذا كان غضبا يسيرا يقع قولا واحدا واذا كان غضبا متوسطا يقول الشيخ ابن عثيمين هذا فيه الخلاف والذي يختاره الشيخ ابن عثيمين انه لا يقع ايضا لان الغضب اذا كان متوسطا فهو الذي يتحكم يعني انت لا تريد ان تقول الكلمة لكن تأخذك العزة وكذا وتقولها قال هذا هو الذي يعني تكلم لست انت هو الذي ما زال يسيطر عليك هذا اختيار الشيخ فقط نعم هذا اختيار الشيخ بن عثيمين عليه رحمة الله اذا هذا طلقها اربع مرات لكن في غضب شديد فانه ان شاء الله تعالى لا يقع وان كان الغضب متوسطا لكن شوية فوق المتوسط يعني هكذا وزعتان دفق الكذا فهذا ان شاء الله تعالى ايضا لا يقع انما يقع اذا كان يسيرا هكذا وكان في حالة وعي جيدة وفي حالة وعي كبيرة هذا الذي يقع به الطلاق ان شاء الله تعالى والذي نختاره تسهيلا ايضا على الناس وهو قول الشيخ بن عثيمين على رحمة الله في شرحه الممتع الشرح الزاد بقي أن تطلب هي منه أن يطلق فهذا لا يدخل في الحديث الذي ذكرت ثلاث جد هنا جد وهز هنا هزل إنما يدخل في حديث أيما امرأة طلبت طلاق يعني من زوجها من غير ما بأس لا تشم رائحة الجنة وفي معنى الحديث لكن هي إذا تطلب منه أن يطلقها في حالة ماذا في حالة أنه مثلا لا يقوم بحقوقها لا يقوم بالواجبات ولا يعطيها حقوقها ويتعدى عليها ويفعل بها المفاعل أو ليس عنده أخلاق حسنة أو فإنه يجوز لها أن تطلب الطلاق نعم تطلب لماذا لضرر هذا يسمى طلاق الضرر لأنها متضررة إذا كانت متضررة إما أن تطلب منه أو لا تحتاج حتى أن تطلب منه تطلب من القاضي ترفع أمرها إلى القاضي المسلم ويعني تحكي له يعني ماذا يحدث بينه وبينه ويفرق بينهما للضرر ضرر يجوز طلاق للضرر ويجوز لأدنى من ذلك يجوز حتى للأخلاق السيئة ويجوز أيضا إذا هي كانت تعلم أنها لا تستطيع أن تعيش معه أو لا تعطي حقه كما فعلت زوجة ثابت ابن قيس لما قالت للنبي صلى الله عليه وسلم لا أعتب عليه خلقا ولا دينا إنما أكره الكفر بعد الإسلام أي كفر العشير إذن في كل هذه الحالات يجوز للمرأة أن تتخلص من الإنسان سيء الأخلاق ومن الإنسان المطلق هذا الذي لا يعطيها قيمة يعني يهددها بالطلاق والطلاق والطلاق والطلاق لماذا تهدد قد أطلق منك وتزوج بأفضل منك بكثير وأكون أسعد النساء مع إنسان ثاني تظن أنك إذا طلقت يعني تنتهي الدنيا ما تنتهي الدنيا يعني الأبواب أبواب الله سبحانه وتعالى مفتوحة، لكن أعطي النصيحة للنساء أن يصبرن، وللرجال أن يتقوا الله في النساء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأوصانا أن نتقوا الله في النساء. فأنا أوصي الرجال أن يتقوا الله عز وجل وأن لا يحقروا النساء، لأن المرأة أيضا الله عز وجل هو الذي خلقها ولها حقوقها عليك. وكذلك أوصي النساء بالصبر، أوصي النساء بالصبر. ونعم شوف إن شاء الله فيما يخص سليمان دقيقة. وهذا الذي أوصي به إخواني وأخواتي، أن يتقوا الله عز وجل وأن يجعلوا الآخرة نصب عيونهم، وأن يعلموا أن فيه يوما لابد أن يقفوا فيه بين يدي الله عز وجل ليسألهم عن كل صغيرة وكبيرة، فليتقوا الله عز وجل جميعا. قلت أم سليمان جوني با في محج جديدات جو فيغ لا هجرة كدوا جو فيغ أم فمي بارك الله فيكم مو جو بارتيغ فيت كار جي 4 أنفون. نعم والله تعالى قبل أن أجيبك جولين دوزيام فون جوني با في محج جديدات جو فيغ لا هجرة كدوا جو فيغ أم فمي بارك الله فيكم مو جو فيغ بارتيغ فيت كار جي 4 أنفون. Tu peux par exemple parler si tu peux. Tu peux par exemple avec celui avec lequel tu es endetté, s'il accepte par exemple, tu lui dis est-ce que je peux commencer par la hijra et je t'envoie l'argent par exemple de l'autre pays, s'il accepte. S'il accepte pas, tu ne peux faire ni le hajj ni la hijra. Tu dois d'abord lui donner les dettes, yani payer tes dettes. C'est pour ça que Cheikh Ibn Uthaymeen alayhi rahmatullah a dit même le hajj, même la umra, tu peux pas aller. Tu dois d'abord commencer par la personne avec yani avec laquelle on est endetté, on paye ses dettes, ensuite on commence par tu peux commencer par yani la hijra. Mais si tu sais que il accepte, il te laisse faire la hijra et tu lui payes les dettes, ça c'est encore mieux. En ce qui concerne Abu Salama, la tu ne sais pas le سؤال الثالث. نسيت السؤال الثالث. لابد أن تذكرنا به. نسيت السؤال الثالث. ذكرني لأني بدأت أتعب الحين. قلت فيما يخص أم سليمان si tu peux faire يعني en ce qui concerne le hajj, tu vois toi aussi, tu vois et tu calcules, est-ce que tu as assez d'argent pour faire le hajj, ensuite revenir et faire la hijra, ou est-ce que tu n'as de l'argent que pour la hijra et le hajj. Tu fais les calculs. Et en ce qui concerne la hijra, comme je t'ai dit, elle est importante. Si tu sais que après la hijra tu vas faire le hajj, tu fais le hajj après la hijra. Mais si tu sais que la hijra peut-être un peu tarder 2-3-4 ans et que cette année tu peux faire le hajj, tu commences par le hajj, tu le laisses pas partir parce qu'on sait pas quand est-ce qu'on va mourir et quand est-ce qu'on va vivre. Qulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum. Je suis fatigué, j'arrête là, inshallah ta'ala. Demain, inshallah ta'ala, à 22h30 française, on a un cours sur le fiqh. On a un cours sur le fiqh. Et là-bas, inshallah, vous posez les questions qui restent. Abu Salam, inshallah, demain, je te réponds à la troisième question parce que j'ai oublié. On a, inshallah, un cours de fiqh. Là-bas, inshallah ta'ala, je te répondrai. Subhanak lahumu bihamdik, shahadun la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu lik. السلام عليكم جميعا وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. الله أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما يعلمنا. وآخر دعونا الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.